Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 106e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et pour cette émission, beaucoup de news, beaucoup de choses à annoncer pour le PSVR 2 et donc on va sans plus attendre commencer par présenter mes petits camarades, à savoir Elroco, salut Elle. Coucou! Comment vas-tu, Elle? Ah, bah ça va super bien. Et t'as vu ce soir, t'as réussi à faire ton intro sans interruption. Parce c'est que Majo hein. N'est pas là. Et oui, il y en a beaucoup qui vont être tristes, mais Majo n'est pas là pour me péter mon intro. Donc voilà. Sans lui, ça va tout de suite beaucoup mieux. C'est bizarre. Hein. Il appréciera. Extraordinaire. Il appréciera en écoutant. Bisous, bisous. Des gros bisous. Et nous avons Laurent. Salut, Lolo. Salut! Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Oui. Quoi de neuf? Il y a plein de choses. Beaucoup de cette choses semaine de à dire. Ah oui. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Vous allez voir, vous allez être gâtés. On va être gâtés. Et puis, j'espère qu'il n'y aura pas trop de reventes de PSVR 2 après cette émission. Parce que on vous a préparé le top de l'élite de ce qui va donner envie des systèmes sellers. Le gratin. Mais tu sais. Le gratin du gratin. Ce qu'il y a sur le gratin, c'est toute la partie cramée là, que personne n'a envie de bouffer là, quand le truc il reste trop au four. Bah, c'est un petit peu ça. Là. C'est tout le truc qui n'est pas mangeable. Voilà. Donc. Ouais. C'est ça. Le charbon. Et bah voilà, on va aller au charbon. C'est Laurent qui va commencer. Du coup, alors qu'est-ce que t'as à nous proposer ce soir au repas? Alors, on va commencer par le report de Phasmophobia, parce que je suppose que j'ai vu sur Reddit qu'il y a plein de gens qui ont hurlé sur Reddit, sur Internet. Non, fallait pas que je commence par Phasmophobia. Non, mais c'est trop triste. Tu commences par le truc le plus triste de l'émission, quoi. Laurent a tellement l'habitude de niquer les sommaires. Non, ça va. Sachez-le, ce soir, je vais vous niquer le moral. Ah ouais, c'est ça. Ce soir, je vous nique le moral. C'est l'émission c'est de la déprime. Non, mais il y a de quoi en plus. Alors non, Phasmophobia, c'est pas très déprimant et je les comprends parce que finalement, il y a eu un report. Alors bien sûr, il y a eu des tonnes de réactions sur Reddit, des tonnes de réactions sur Steam, beaucoup de réactions un peu de partout. Il y a même eu des articles que le jeu tant attendu pour Halloween était annulé. C'est vrai qu'ils n'ont pas indiqué de date de publication. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Savoir c'est que la version Steam apparemment aurait été retardée à cause de notre version PSVR 2. On peut être fier. Oui, parce que je te laisse expliquer si tu veux. Donc clairement, le souci c'est que vous savez que pour être validé par PlayStation, il faut avoir un minimum 60 FPS sur un jeu. Mais quand on dit 60 FPS, c'est 60 FPS tout le temps. Si le jeu par exemple dure 15 heures et que sur une seule petite seconde du titre il y a une chute de framerate qui tombe à 55, le jeu peut être complètement repoussé ou même refusé par PlayStation parce que tu ne rentres pas dans l'obligation des 60 FPS constants. Il y a une map sur ce fameux jeu Phasmophobia qui s'appelle, c'est la map du camping Maple Lodge, qui posait souci visiblement. Et Phasmophobia, c'est quand même un très petit studio, ils sont pas très nombreux. Et du coup, ils se sont aperçus que cette map-là allait poser souci et qu'elle ne passerait pas au contrôle qualité visiblement de PlayStation. Et du coup, ils ont été obligés de refaire la totalité de cette map. De ce fameux camping Maple Lodge, ce qui leur a au début, ils avaient vu ça un petit peu comme une mise à jour, mais au final ça a pris un temps de dingue, ce qui les a mis en retard sur apparemment des mises à jour sur Steam également. Ça ils en ont parlé, je crois que c'est sur Reddit qu'ils en ont parlé. Donc le jeu est repoussé, il s'excuse parce que le jeu était attendu pour Halloween, il n'arrivera pas pour Halloween, il n'y a pas de date. Par contre à la fin ils disent qu'ils prennent le temps pour nous fournir un jeu dans sa meilleure version possible. Personnellement, je préfère qu'on attende et voilà. Oui, voilà. Ne faites pas une switchback. Exactement. Une firewall ultra ou alors. Ou une green, voilà. Une green LVR. Ou enfin, on peut en sortir. On peut en sortir un paquet. Ah oui, là. C'est pas, il y en a qui. Vaut mieux râler parce qu'il y a un retard que râler parce que le jeu. Et vaut mieux qu'ils s'excusent avant, entre guillemets, quoi. Voilà. Une No Man's Sky, voilà, plutôt qu'ils disent ouais, bon, on a bien entendu notre communauté, on vous remercie pour votre soutien, on a fait de la merde, on vous l'a vendu plein pot, et puis le truc est pas bon. Voilà. Bon. Et la douille n'est pas passée. No Man's Sky. Voilà. Putain, ouais, défoulez-vous sur No Man's Sky, là, ce soir, c'est le moment. Ah. Mais c'est bien, même quand il est pas là, on en parle, c'est cool. Hein. C'est un hommage. Mais oui, la Maple Lodge Campsite, en fait, c'est une map qui est assez vaste et surtout qui est en extérieur, ce qui n'est pas commun sur les maps de Phasmophobia. Et donc, du coup, je pense qu'au niveau de l'optimisation, ça a été un petit peu plus compliqué. Donc, ils sont en train de trouver des moyens d'optimiser tout ça. De base, c'est en intérieur. Phasmophobia, ouais, la majorité des maps. Après, j'y suis pas retourné dernièrement. Peut-être qu'il y a des nouvelles maps qui sont d'extérieur, mais en tout cas, majoritairement, c'est de l'intérieur. Même si ce sont des cartes qui sont très grandes pour certaines, et aussi, à mon avis, pas facile à optimiser. Mais celle-là, elle posait vraiment souci. Donc, d'où ce report. Ah, c'est rigolo parce que c'est la deuxième fois en deux semaines qu'on nous parle de ce problème-là. C'était Eric Chahi qui en avait parlé de ce souci de toujours maintenir 60 FPS, parce qu'il disait des fois il y a une seconde dans le jeu qui va tomber à 59 au lieu de 60, et un petit studio, même si des fois Sony pourrait être tolérant et vont dire bon allez c'est bon ça passe, le petit studio a tellement peur d'être refusé, tellement il y a toujours des documents et des trucs, c'est compliqué à chaque fois la certification, que le petit studio il s'auto censure en fait, et ils sont prêts à refaire tout un niveau ou à, de peur de pas être accepté. La certification est longue et ouais. D'ailleurs il y a plein de studios qui disent qu'ils s'attendaient pas à autant de trucs pour faire valider un jeu chez PlayStation. Donc là-dessus il y a peut-être à travailler pour être peut-être plus conciliant. C'est vrai qu'un jeu qui tombe à 59, personne ne le verra, quoi. Après c'est sûr que à partir du moment où tu laisses passer un jeu à 55, bah t'en as d'autres qui vont essayer de passer à 45. Donc il y a un moment, il faut peut-être une limite. Mais bon, après c'est eux qui voient, hein, c'est pas trop notre souci de notre côté, quoi. En tout cas, il sera bon quand il sortira, et ça c'est une certitude, donc c'est une bonne chose. Voilà. Au niveau des reports, il me semble qu'il y en avait d'autres aussi qui ont été reportés. Parce qu'il y a pas mal en fait de jeux qui ont été annoncés pour Halloween, en tout cas qui étaient prévus pour Halloween, et que finalement on va juste pouvoir regarder Vendredi 13 pour la 150e fois, et puis voilà. Encore. Non, mais t'as Madison VR. Madison VR, alors lui, il fait super mal, par contre, au niveau du report. Alors encore, on sait pas trop, parce que j'ai revérifié récemment, le studio, bon, il communique pas spécialement non plus sur sa version VR. De toute façon, même quand il devait communiquer sur le fameux trailer gameplay, ils avaient 2-3 jours de retard, ou un jour de retard, je crois. Donc voilà, et puis même en voyant le trailer, on voyait qu'ils étaient pas spécialement prêts, hein, ça envoyait pas du bois, bon, bref. Et pour la version, pour ceux qui ont précommandé, parce que le jeu il sort en physique, ça devait sortir en novembre, et ça a été repoussé. Je viens de vérifier, le 31 mars 2024. Pour la version boîte, c'est ça. Pour la version boîte. On est au soir du départ de Jim Ryan. Coïncidence Je ne pense pas. Moi je pense complètement. Donc après oui, c'est comme tu le dis, ça concerne peut-être pas la version digitale qui peut arriver un petit peu plus tôt, comme ouais, je pense, hein. le jeu testé Demain. Courte, donc voilà, ça peut arriver plus tôt. Ça arrivera le 29 mars 2024 au lieu du 31. Voilà, reste optimiste. Pas deux jours près. Et puis ensuite, il y a quoi d'autre? Eh ben ensuite, toujours pour Halloween, il y en avait un autre qui était attendu, c'était Very Bad Dreams de Creative VR 3D. Donc c'est un studio qui est basé à Cannes, un studio français, qui devait arriver le 24 octobre sur le store et qui vient d'être repoussé au 24 novembre. Donc on l'aura pas non plus celui-là pour le Halloween. C'est dommage parce que il a quand même une belle gueule au niveau de son approche artistique. Alors je crois que Say, toi tu y as joué sur PC, oui. Il me semble. D'ailleurs je l'ai relancé dernièrement sur la version Steam qui est toujours en accès anticipé et qui avait, en tout cas quand on a eu la clé, beaucoup de, il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de bugs de script. Je leur avais même fait une petite vidéo pas une liste, mais une vidéo en fait des bugs que j'avais eu sur le jeu. Et donc t'avais du out of bound, t'avais du des scripts qui fonctionnaient pas, quand tu commençais une partie et que tu la reprenais, en fait, tu te faisais téléporter deux chapitres après. Donc voilà, c'était assez problématique, en tout cas, pour profiter pleinement du jeu. Et je l'ai relancé, je l'ai recommencé du début, du coup. Et bah maintenant, ça tient quand même bien la route. Alors il y a des petits trucs bizarres au niveau de certains passages, encore, au niveau des commandes. Mais enfin, on retrouve voilà, tout ce qui m'avait plu voilà, dans l'esprit un petit peu de ce jeu-là, commencer par un tutoriel qui est plutôt bien foutu, bien mieux foutu qu'au tout début, quand il est sorti. Et puis voilà, ce mélange d'ambiance, ça commence par un petit rêve un petit peu paradisiaque, et puis après ça part très très vite en sucette, ça se transforme en Silent Hill, et puis là voilà, ça a l'air bien écrit, ça a l'air toujours aussi intéressant. Ils ont de grandes ambitions en tout cas sur ce jeu-là, ça se voit, ils bossent vraiment dessus, les gars. Donc non, franchement, ça sent plutôt bon. Je pense que justement ce report, encore une fois, moi je le prends comme une assez bonne nouvelle, quoi. Parce qu'ils n'ont pas envie de faire n'importe quoi. Bah, après tout ce qu'on a eu depuis la sortie du PSVR 2 le 22 février, perso, un report, quand je vois, y en a plein qui hurlent sur Internet en criant au scandale, hein, puis il y en a qui... Il faut voir sur Reddit ce qui balance les types. Tu te dis, bah non, c'est un report, vaut mieux que le jeu soit fini, quoi, soit finalisé, soit propre tout de suite. Donc, bah, oui. C'est pas grave. Non, mais en fait, on a tellement râlé, et nous y compris, et c'est sûr, sur les jeux qui sont sortis dégueulasses, voilà, pas optimisés, flous, exactement, avec des gros problèmes. Nous, ça serait quand même malvenu qu'on se plaigne pour un report pour peaufiner certains jeux. Et juste à rajouter, parce qu'on est français, on est des râleurs. Mais tu vois, Phasmophobia aussi, faut ajouter aussi le fait qu'ils ont quand même un incendie dans leurs locaux, dans leurs nouveaux locaux. Et que ils ont été obligés de se réorganiser pour télétravailler et développer avec cette nouvelle organisation là, et que ça a aussi mis un petit coup de canif dans leur dans ce qu'ils voulaient faire. Oui, ça doit y être pour beaucoup d'ailleurs, parce que effectivement, oui. Voilà, pas oublier que derrière, c'est quand même des ton studio prend feu. Voilà, c'est quand même des êtres humains qui. C'est des êtres humains, voilà, qui bûchent, et tout le monde n'est pas rockstar. Celui-là, on se le met de côté, on le testera, et puis je pense que on va les laisser finir leur travail. C'est vrai qu'avec tous les jeux qu'on attendait quand même, pour râler un peu, hein, faut pas déconner, tous les jeux qu'on attendait pour Halloween, se dire qu'on peut se la mettre derrière l'oreille, c'est un petit peu rageant, quoi. Faut avouer, c'est un peu dommage. Ou alors commencer Resident Evil 8. Par exemple. Par exemple. Pour Halloween, vous aurez Sugar Mess Let's Play Jolly Battle. Vous allez tirer sur des bonbons avec des pistolets à bonbons. Ouais. Voilà. Bah pour le coup, le jeu fait peur, mais pas pour les mêmes raisons, en fait. on verra, hein, les gens verront, mais c'est vrai que rien que quand on explique un petit peu le principe du jeu, ça fait peur. Hein, mais bon, après, on peut pas en vouloir au studio, parce que ils sont spécialisés dans ce domaine-là, quoi. Donc les jeux mobiles. Oui, c'est un studio qui ne fait que des jeux mobiles. D'ailleurs, il doit en avoir à son actif. Quand on va sur le site, c'est impressionnant tout ce qu'il y a. Et donc là, il se lance en VR, et c'est un jeu à la... avec des petits bonbons, avec des jolis petits yeux, et c'est tout mignon, c'est tout coloré, c'est mais bon, en gros, tout à l'heure je pensais au jeu de parc d'attractions Summer Funland, ouais. Où tu te retrouves dans un parc d'attractions de bonbons, en fait, dans ce fameux jeu. Alors attends, je vais vous redire le nom, c'est Sugar Mess Let's Play Jolly Battle. Je l'attendais pas sur PSVR 2, hein, celui-là. Il est développé par le studio Jolico. Et donc tu as plein de mini-jeux dans le jeu, donc tu dois taper sur des marmottes avec un marteau, enfin tous les trucs classiques, faire des paniers, enfin tous ces trucs là, quoi. En fait, c'est des jeux de début et puis t'as un pistolet, voilà, c'est des jeux de 2016, même 2014, où tu dois tirer sur des petites bestioles qui te foncent dessus, voilà, c'est ça. Donc on va pas en parler 3 jours. Si ça te saoule, tu le dis, y a pas de problème. Ah ouais, non, mais il est pas encore là. Il est pas encore là. Voilà. C'est ça le pire. Bon, t'as raison. Allez, on passe à la suite, parce qu'il y a encore plein de bonnes choses. Il y a plein de choses. Alors dans les annonces qui sont intéressantes, il y a le titre Ven Adventure VR qui est annoncé sur le PlayStation VR 2. À savoir, c'est que il a été Alors il y a une rumeur qui parle que le jeu serait en 120 FPS sans reprojection. Par contre, je suis allé de partout, hein, sur les réseaux sociaux du studio, sur le site internet, je n'ai trouvé nulle part cette information. Donc je ne sais pas s'il a balancé le truc sur Discord et j'ai pas vu passer le machin, ou si c'est juste une rumeur. Donc pour l'instant, on attendra un peu qu'il arrive. Le jeu était plutôt sympa graphiquement sur PSVR et sur PC. Le souci, c'est que la difficulté était assez compliquée. On se rappelle du test de Sei avec Mini Sei. Où tu avais clairement pété un plomb sur le jeu parce qu'il fallait tout recommencer dès que tu perdais une fois. Ouais, c'est ça. Mais alors, on en avait discuté aussi sur le Discord avec des personnes notamment qui ont joué via le Quest 2, parce que je crois qu'il était sorti sur Quest 2 et le jeu a été complètement repensé. Enfin, pas complètement, mais en tout cas, sur certaines parties, repensé et rééquilibré pour justement le rendre peut-être pas moins difficile, mais en tout cas plus friendly quoi, et moins punitif. Voilà, histoire que t'aies pas l'impression de perdre ta vie sur des passages qui sont beaucoup trop longs. Je me souviens notamment d'un boss où tu dois taper avec des épées sur des missiles, que j'ai recommencé je ne sais combien de fois, parce que ça commence tout doucement, la séquence est quand même assez longue. J'aimais beaucoup ton petit cri quand tu en avais marre. Ah ouais, je pouvais pas dire de gros mots, parce que... Avec Mini Sei qui disait, mais t'y arrives pas. Mais t'y arrives pas, bah t'es nul papa. Mais, c'est bon. Et voilà, et quand il à la fin, la difficulté démoniaque, en gros, sur une séquence qui dure plus de 5 minutes, voilà, et recommencer à chaque fois du début, c'était quand même assez emmerdant. Mais bon, après, ça enlève pas les qualités du jeu. Le jeu est mignon, effectivement. Je pense pas qu'il soit très gourmand. Donc, c'est 120 FPS. Moi, j'y crois plutôt. Hein, s'il est bien optimisé, pourquoi pas. Hein. Finalement, c'est rien qu'un jeu un tout petit peu moins beau qu'un Astrobot sorti sur PSVR et qui tournait très très bien. Donc, j'y crois plutôt. Pourquoi pas? Voilà, il y a le level design qui est un petit peu hardcore sur la fin. Certains passages, il y a des bonnes idées, mais il y a certains passages qui font un peu cheap. Mais ça reste quand même un jeu sympa, en tout cas si effectivement ils ont changé quelques petits réglages et quelques petits ajustements au niveau de. Alors surtout que j'ai l'impression qu'en plus c'est pas un studio qui est derrière, c'est une seule personne qui s'appelle Damian Bokzek. Galixek, je crois que c'est un polonais, il me semble. Et j'ai l'impression qu'ils sont, s'ils sont deux, en tout cas sur le store, il n'y a que son nom qui sort, il n'y a même pas de nom de studio. Et sur Steam aussi d'ailleurs, donc si ça se trouve, le mec a fait ça tout seul, quoi, en fait. En tout cas, très pressé de voir un petit peu ce qu'il donne sur PSVR 2, et si la version PC qui date il y a 2 ans, quand même, il me semble, bien été améliorée, ça serait vraiment cool. En tout cas, une bonne pioche. Ça serait vraiment un jeu. S'il a été vraiment bien ajusté, à mettre à côté du jeu, le petit jeu avec l'ornard là, comment ça s'appelle déjà, Lucky's Tale. Lucky's Tale, merci. Lucky's Tale qui était sorti à la fin Ils nous ont jamais donné notre jeu qu'on attendait sur PSVR là. Comment il s'appelait, Star Child, ouais, paix à son âme. Ça, il fait encore mal des années qu'on attend encore. Ouais, celui-là, je l'ai toujours là, celui-là, Star Child. La démo était tellement bien. Pas grave. Mais oui, donc, à côté d'Astrobot et puis de Lucky's Tale, donc ouais, ça peut être pas mal. Ensuite, on avait Racket Fury Table Tennis VR qui a été annoncé sur le PSVR 2 il y a 3 jours au moment où on enregistre l'émission et qui est dès aujourd'hui dispo sur le store. Donc il est arrivé, boum, il est arrivé direct à la vente. La nouveauté, c'est que apparemment il est plutôt net et apparemment c'est 120 fps sans reprojection également pour Racket Fury. Donc c'était déjà un très bon, je crois que qui c'est qui avait fait le test, c'est Serge, je crois, qui avait fait le test. Peut-être bien, il me semble. Ah oui, Racket Fury. Bien, ouais. Il lui avait mis, je crois, un 8 sur 10 ou peut-être même plus sur le PSVR. Donc si on regroupe en plus les nouveaux contrôleurs, tous les retours haptiques, plus du 120 fps natif et une image plutôt nette, on peut dire que c'est déjà une bonne pioche. Une mise à jour payante. On va quand même y jeter un... Ouais, par contre, ouais. Mise à jour payante pour ceux qui ont la version PS4, parce que selon les développeurs, sinon ils pouvaient, enfin le jeu avait été offert, je crois, sur le PS Plus, et ils voulaient s'en sortir un petit peu financièrement, ils pouvaient pas comptabiliser les gens qui l'avaient acheté ou les gens qui étaient passés par le PS Plus. Donc déjà, ça confirme le fait que si vous l'avez récupéré à l'époque sur le PS Plus, et ben vous pourrez le mettre à jour pour y jouer sur PSVR 2. Ça passe. Et puis voilà aussi, donc ça va leur permettre aussi de développer plusieurs mises à jour qui vont arriver. Je crois une carte qui est prévue. Oui, ils ont prévu plusieurs trucs. Ouais. Et puis le multi, le cross-platform. Le cross-platform, ouais. Pour le multi. De toute façon, c'est indispensable, ça, le cross-platform pour des jeux comme ça. Ouais, sur ce genre de jeu, ouais. Si tu veux du monde, bon, on le voit sur After the Fall, hein, que c'est surtout des joueurs Quest, des joueurs autonomes. À la fin du PSVR, heureusement qu'il y avait les joueurs Quest 2. Hein, ah, parce que, sinon, carrément, carrément. Il y en avait quelques-uns, mais sinon, tu faisais jamais une partie à 4. Hein, même sur PC, hein, il n'y en avait pas des masses. Hein, des joueurs Steam, hein, dessus. Hein. Non. C'est surtout, ouais, voilà, hein, c'est en autonome. Ce jeu-là, bon, ben, même si c'était pas, il n'était pas dans une qualité la plus belle, la plus léchée, bah, c'était quand même au niveau de la résolution pas super, et puis bah, en liberté totale, hein, en autonome. Donc bon, ça convenait. Quand la batterie tombait pas à plat en pleine partie, là, c'était un petit peu chafouineux. Je te sens taquin. Mais non, mais c'est vrai que c'est déjà arrivé en plus. Non, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est pour ça. En plus, le mec il dit: ouais, désolé, panne de batterie, est-ce que t'as 15 minutes? Est-ce que tu veux attendre 15 minutes? Comment te dire, j'ai une vie, tu vois. C'est la dernière partie avant d'aller chercher les mômes, donc ouais, non, t'es bien gentil, mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Non, mais sinon ça se passe super bien. Ça fait un bail d'ailleurs qu'on n'est pas retourné dessus. C'est vrai. Il y avait la news au départ, c'était pas du tout After the Fall, hein, d'ailleurs, c'était Racket Fury. Hein. Non, mais pour revenir, non, mais pour revenir, que voilà. Bah, après Racket Fury, c'est pour moi, hein, perso, hein, tu vois, c'est toujours encore un jeu qui est basé sur un seul truc, un seul concept. Et que bah, le seul truc qui va changer, bah, c'est peut-être la couleur de la table, la couleur des raquettes, et puis la carte autour. Arrête, on ça sait que t'es un pro de la raquette et que tu kiffes ça. Arrête de nous faire de nous bassiner. Ça s'est vu. On en reparlera tout à l'heure, mais voilà. Ça veut pas dire qu'on peut pas s'amuser, mais c'est comme le jeu avec les bonbons, là. C'est basé sur des concepts comme ça de 2016. C'est chaud, quoi. C'est chaud. Bon, heureusement qu'il n'y a pas que ça en ce moment, quoi. Heureusement. Heureusement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a parlé de After the Fall, ben, on n'a qu'à parler d'Arizona Sunshine 2, oui. Qui n'a pas été officiellement annoncé sur le... la date, plutôt, n'a pas été officiellement annoncée sur le store PlayStation FR. Par contre, il y a eu une fuite cette semaine du store PlayStation Allemagne, qui a mis pendant une fraction de seconde la date du 7 décembre 2023 sur le store pour le jeu. Et bien entendu, ils l'ont retiré à peu près 3 minutes plus tard, mais Internet se souvient de tout. Et donc, il y a eu des captures d'écran qui sont parties un petit peu sur tous les réseaux sociaux. Donc, apparemment, le jeu devrait arriver en décembre 2023, le 7 décembre 2023, si on en croit cette date. Après on verra, et puis on aura peut-être un jour, on va peut-être un peu voir aussi du gameplay, parce que pour l'instant on a vu des gifs animés, c'est léger, hein, qui n'ont rien à voir avec le trailer, ouais. Par contre, donc ne vous attendez surtout pas au trailer, parce que le trailer, rien que les explosions tu dis c'est du cinéma, quoi, c'est pas du jeu, ça. Donc on attend. On verra ce que ça donnera. Voilà. Moi, je l'attends toujours. Hein. Voilà. Ah oui, non, mais il va, franchement, s'il développe un petit peu plus tout ce qu'on pouvait faire dans le premier, bah, ce sera plus que sympa, quoi. Parce que fouiller, looter un petit peu tout ce qui... Le premier, je le trouvais déjà moche. Ah, il était pas beau. Mais ce que tu pouvais... En fait, c'est l'effet survive, tu vois. C'est le gameplay, il est tellement marrant, surtout à plusieurs, tu vois, que tu te fends la gueule même si le jeu est dégueulasse. Mais le premier, je le trouvais pas beau, mais je m'en accommodais sur PSVR, par contre. Mais là, ce qui me fait peur, c'est que j'espère qu'il va quand même envoyer un minimum. J'ai pas du tout apprécié leur façon de voir les choses sur After the Fall. De balancer leur jeu. Une chance sur deux, avec Vertigo. Une chance sur deux. Donc, je l'attends sans l'attendre. Enfin, c'est pas celui que j'attends le plus, on va dire. Ouais. Et bien, moi, je l'attends de ouf. Voilà. Parce que j'ai confiance et j'ai adoré. Et vous avez le droit de l'entendre. Parce que je suis pas comme vous. J'ai adoré le premier, donc, avec les deux add-ons. Bah oui. Et puis en coop aussi. Oui, en coop. Il y a eu du coop. Tout à fait. Ouais, ouais. Donc, il cumule les bons points. Perso. Ensuite, qu'avons-nous ? Ensuite, on a Breachers du studio Triangle Factory qui arrive prochainement sur PlayStation VR 2. Là, c'est pareil, on n'a pas de date, mais il vient de faire son arrivée sur le PlayStation Store, donc on va dire que c'est officiel. C'est un jeu Quest 2, donc un de plus. Et PC. C'est un FPS. Oui. Et PC. Oui, mais... PC, mais... oui, certainement aussi, oui, oui. Quel dédain. Oui, certainement. Donc, oui, bah non, non, non, parce que vu que le PC récupère tous les jeux Quest, donc... Disons voilà. Qu'il fait pas fumer la carte graphique, c'est sûr. Voilà. Donc après, alors c'est un jeu où il va falloir éliminer des ennemis en coop. Par contre, il y a des petites, il y a des petits trucs sympas comme par exemple la possibilité de détruire des murs. On pourra aussi sauter par les fenêtres. On peut utiliser des drones. On peut mettre de la mousse explosive pour faire péter des portes ou des trucs comme ça. Donc là-dessus, ça a l'air, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs. Le souci, c'est que pour l'instant, vu qu'il vient juste d'être annoncé sur le store, le seul trailer qui soit officiel, c'est un trailer Quest 2. J'ai beau chercher un trailer PCVR, j'ai vu que le trailer Quest 2. Donc bah là c'est pareil, est-ce qu'il va y avoir des améliorations visuelles, je ne sais pas. C'est, en général dans ce genre de truc ils mettent 2-3 loupiottes en plus, des éclairages et puis c'est fini. Après moi ce qui m'a choqué dans le trailer c'est l'animation des personnages, on dirait des Playmobil. Après pour le reste, Elroco, on en parlait tout à l'heure, il me disait que ça peut être super sympa quand même. Faut voir au-delà. Moi je suis amateur des jeux moches. J'aime les jeux moches. Sous le casque, il n'est pas si moche que ça. Il n'est pas si moche que ça. Il est simple, ouais, mais moi j'avais l'occasion de le faire, je crois, en alpha ou en bêta, je crois, à l'époque. Le jeu, les animations, etc., ça te choque absolument pas. Et les décors, ça te choque absolument pas quand t'es in-game, justement. Et ça te permet, avec les décors un peu simples, c'est pas, voilà, il n'y a pas le jeu d'ombre ni quoi que ce soit de Firewall Ultra, mais ça te permet justement d'avoir un champ de bataille très clair, en fait. Tu peux pas te planquer facilement et tu es obligé d'aller au contact assez rapidement. C'est vraiment un mélange, moi ça m'a fait penser à un mélange entre Rainbow Six Siege et puis Counter-Strike quand je l'ai essayé. Et au niveau des missions, au niveau des actions que tu as à faire et des deux camps qui s'opposent sur la map, ça fait vraiment penser à ça. C'est un jeu principalement stratégique. Je pense, avec tous les gadgets qui sont ajoutés, peut-être un peu plus même que Firewall Ultra. J'avais fait quelques parties à l'époque. Je sais plus si j'ai des captures, sinon je les remettrai là, mais c'est pas sûr du tout. Voilà, c'était juste comme c'était une alpha ou une bêta. Je tombais sur des parties. C'était quasiment fin de partie. Fallait absolument faire quelque chose. Toute l'équipe dans laquelle je tombais était morte. Les mecs te gueulent dessus en américain, pour que tu fasses quelque chose, tu comprends rien, tu ne connais pas les commandes. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, est-ce que Breachers est dispo en version plate ? Non, je pense pas. Non. Non, non. Parce que cette semaine, j'ai vu des gens qui sont intervenus justement en parlant de ce jeu et qui disaient que le souci entre guillemets de Breachers, c'est que vu que c'est un jeu cross-platform, il sera cross-platform dès la sortie, ils disaient qu'il y avait énormément de gamins qui jouaient dessus et il y avait beaucoup de monde sur les serveurs et que justement, des fois, tu tombais sur des mecs qui faisaient n'importe quoi. Donc, c'est marqué, pour ça je demandais si c'était un jeu plat. C'est marqué VR prise en charge, hein, c'est pas VR obligatoire en tout cas. Mais il me semble que c'est un jeu principalement VR. On nous corrigera. Voilà. Non, je dis une connerie. Breachers is a VR only game. Voilà, c'est VR. Un jeu VR. C'est uniquement VR. D'accord. Donc voilà. Déjà, il y a beaucoup de monde sur les serveurs. Voilà. Donc quand on va arriver, si on n'est pas entraîné, on va se faire moucher. Il est pas moche. Je maintiens qu'il est rond. Enfin, il est pas. Il a l'air d'avoir beaucoup de détails et le gameplay du peu qu'on voit. Là, franchement, ça a l'air d'être sympa. Rien que le fait d'utiliser cette petite tyrolienne, de grimper. Je tiens à préciser que le trailer que sur notre petite fiche sur le site VR4Player. Donc dès qu'il y a un jeu qui arrive, on le met en petite fiche. Et étant donné que le trailer PSVR 2 n'est pas sorti, pour l'instant, c'est le trailer Quest 2 qui a dessus. Donc si ça se trouve, le jeu sera différent. Donc voilà. Bon, on verra. On verra en tout cas celui que je vais trouver. Moi j'ai l'impression que là j'ai le trailer PC, hein, donc je mettrai celui-là, je pense. D'accord. Voilà. Ensuite. Sur Steam ? Sur Steam, ouais. Eh oui, sur Steam, c'est pas des YouTube, donc c'est la merde à récupérer pour ça. Eh oui. Voilà, donc je sais pas comment je vais faire, je vais galérer. Mais je trouverai un moyen, il n'y a pas de souci. Non, mais on peut les récupérer, mais c'est plus la merde. Ouais, je sais comment. Enfin, bon, on continue. Si vous aimez pas les araignées, il y a un autre jeu qui a été annoncé aussi sur le store, c'est Kill It With Fire, donc un joli low poly développé par le studio Tiny Build. C'est un jeu Quest également. En gros, vous êtes un exterminateur d'araignées. On vous passe un coup de fil, vous allez désarmer araignifier une maison. Et vous allez y aller au lance-flammes, à la mitraillette, à toutes les armes possibles et imaginables pour détruire les araignées. Donc c'est un truc qui est présenté avec humour. Hein. C'est un petit jeu. C'est pas le truc de dingue, mais bon, après, il faut voir ce que ça peut donner. Ça peut être drôle. Je pense que vu que tu peux prendre un petit peu tout aux alentours, machin, qu'il faut débusquer la petite araignée qui se planque, ça peut être marrant. Ça peut être marrant. C'est ça. Ce qui nous éclatait, par exemple, dans Job Simulator, ce qui nous faisait beaucoup rire, c'est d'envoyer l'ordinateur dans la figure du patron ou des trucs comme ça. Et là, je pense que c'est un jeu qui peut avoir ce délire-là, quoi. L'araignée qui va te tourner autour, qui va te rendre fou, ou alors tu vas décider de sortir, je sais pas, de la dynamite pour buter une araignée ou des choses comme ça. Ça va être des trucs un peu tarés, quoi. Alors vous savez que c'est une licence en fait, hein, Kinect with Fire, et qu'il y a déjà deux jeux en plat qui sont sortis, et la version VR je pense sera attendue par tous les fans de cette série de jeux. Après c'est quoi toi mon jeu préféré, c'est Kill It With Fire. Après, ça peut aider aussi les gens. On a des gens sur Discord qui nous ont demandé des jeux un peu casus, des conseils en tout cas sur des jeux un peu casus. Oui. Donc il y a un public pour ça. Et puis peut-être pour les arachnophobes, ça peut les aider justement à se désensibiliser sur cette phobie-là. Hein, ça peut. Ah, il y en a d'autres de jeux pour Parce que c'est un look dessin animé, donc pourquoi pas. Ouais, voilà. Après, c'est vrai ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi, des jeux comme Job Simulator et tout ça, ils tournaient non-stop quand ma fille était plus petite. Mmh. Et elle ne jouait qu'à ça, quoi. Mmh. Et elle adorait ce jeu. Donc, ça, c'est des trucs peut-être à 12-13 ans où tu te dis, tiens, ça peut t'éclater un moment. Et pour les enfants, ça peut être pas mal, faut voir. Voilà. Bon, à voir. Même pour nous, faut voir. Sachant que quand tu les écrases, les araignées, ça fait pas une espèce de flaque dégueulasse d'araignées écrasées. Ça fait des petites gerbes vertes. C'est tout choupinou. Même ça. Le fait de tuer un animal, c'est mignon en fait. Donc ça peut pas être un mauvais jeu. Voilà. Donc t'as envie Et puis là, c'est au fusil mitrailleur, c'est au lance-flamme, au lance-roquette, à la dynamite. Oui. Ça va être plutôt sympa. Ça doit être marrant. Ouais. Ensuite, on a Vetrix Worlds. Vetrix Worlds, c'est un espèce de Tetris en 3D, que à la différence de Tetris, c'est sur deux rangs. Donc c'est ce qui veut dire qu'il y aura deux rangées de trucs, donc il va falloir en même temps aller poser des pièces derrière et devant. Mmh. C'est un jeu en multi où on va pouvoir se battre l'un contre l'autre. Esthétiquement, c'est un peu à la rue pour une PS5, c'est un peu à la rue par rapport à un Tetris Effect. C'est vrai que ceux qui ont les fans de Tetris Effect Connect, je sais pas s'il arrivera à trouver son public, mais bon, à voir aussi. C'est un petit jeu quoi. Et ce qui est marrant, c'est que ce jeu là, alors que Tetris Effect justement c'était un petit peu sorti du design, on va dire, de Tetris sur Game Boy, lui il reprend carrément en fait le même design des pièces que sur Game Boy, quoi, avec un décor minimaliste à fond. Minimaliste, mais voilà, c'est vraiment pour c'est également c'est également un jeu Quest et c'est et PC. Oui, oui, Quest PC. Enfin pas oui. Je fais la distinction. Il y en a qui sortent pas sur Steam. Exact. Mais après moi déjà le look je trouve déjà vieillot, après le truc moi c'est pas des genres de jeux qui vont m'éclater, ça c'est sûr, mais bon. Mais je parle pas du jeu, parce que moi je suis un grand fan de Tetris Effect Connect par contre. Donc c'est juste je trouve qu'il est pas beau, voilà, direct. Et puis il a plus costaud en face, hein, donc il est pas fou. C'est ça. En plus, il y aurait que lui, ce serait. Alors après, il faut voir comment les parties, parce que même que disons que Tetris Effect quand il est sorti sur PSVR, on avait que le mode solo. Maintenant, il a toute une partie connectée qui est assez complète en multijoueur. Donc qu'est-ce qu'un jeu comme ça pourrait apporter à de plus, faut voir. Le gameplay est un peu différent, mais bon, à suivre, on verra. Pourquoi pas. Après on a un truc, alors ça El Rocco va me donner un coup de main parce que j'ai absolument rien compris au truc. Donc c'est Throwdown Preview du studio Gold Creek. Apparemment c'est un film à 360 degrés en 3D, mais qui fonctionne un petit peu comme un livre où on est le héros, où on doit choisir des chemins et puis on a des cinématiques qui vont se lancer. C'est ce que j'ai compris. Bon, en tout cas, comment c'est présenté, ça me fait penser au jeu FMV. à l'époque où y avait une vidéo, c'est un film avec plusieurs scènes. Il y avait énormément de jeux qui reprenaient le concept sur les anciennes consoles, là, genre tout ce qui était Sega CD. Ouais. Dont un qui faisait souvent le buzz, c'était tu devais piéger les cambrioleurs, toute la maison était truffée de pièges, tu accédais à des caméras de surveillance. Avec des ninjas vampires là. Ouais, que ça partait en caca. Ouais, non, mais voilà. Où il y avait, je crois, l'actrice d'un autre des Willy dedans. Oui, c'est vrai. Oh, tu l'as fait? Non, je ne l'ai pas fait. J'avais vu des images de ce truc là. Et... Ah, comment il s'appelait déjà? T'es juste fan de la nana de. Je sais plus comment il s'appelait. De toute façon, voilà, dites-le en commentaire, je pense que vous allez trouver avant nous. Mais ouais, ça a l'air en tout cas de reprendre le même concept, mais en VR. Donc, ils ont fait énormément de captures vidéo sur fond vert avec un réacteur et qui se trouve dans plusieurs situations en fait. Et ça a l'air quand même dans le concept complètement barré. Donc. C'est... Le pitch du jeu, c'est une expérience de cinéma de navigation. Et le héros donc s'appelle Jamie et il est piégé dans une simulation de fitness en VR et il est attaqué par une horde de mannequins de fitness maléfiques. Voilà, tout ce qu'on sait dessus. D'accord. Comment ça peut mal se passer quoi. Comment ça ne peut ne pas marcher? Non, franchement, ça peut être marrant. Faut voir. Faut donner l'espèce de blonde plantureuse qu'il y a derrière le gars sur l'image de présentation. Exactement. Exactement. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Après, je sais pas si je pourrais mettre ça sur YouTube. Moi. Oh, tu peux, mais il va falloir mettre des petits blurs, des petits floutes par-ci par-là, quoi. Stratégique. Bon, on verra. T'inquiète. Ça passe. Ça passe, ça va. Oh, hein. Oh. Ok. Bon, moi c'est original. On verra ce que ça donne. Non, c'est un petit peu le premier qui fait ça, plus ou moins sur PSVR 2. C'est la première fois que sur PSVR 2. Oui. On en avait eu sur PSVR. Sur des PSVR films plutôt 2, interactifs, il y en avait sur le premier PSVR. Ah oui, je viens de l'acheter d'ailleurs. Faudrait que si je remets le premier casque, ouais. Afterlife, je crois, un truc comme ça. Ouais, Afterlife, ouais. Oui. T'es papa, toi, accroche-toi. Il y en avait. Ah oui, non, mais j'ai un peu. Accroche-toi bien. Non, mais bon, tu sais pas comment je considère mes gosses. Hein, si ça se trouve, tu vois, hein, peut-être que ça va m'inspirer pour faire quelque chose. Trouver des solutions. Je sais pas. Il y a pas de problème, il y a que des solutions. Donc, okay. Par contre, le prochain, voilà, lui, celui dont on va parler, là, c'est autre chose. Quel est-il? Critical 2. Le prochain, c'est System Critical 2. Un jeu Quest. Waouh. Sans déconner. Regarde s'il est sur Steam. Et je m'en fous, quand j'ai vu le trailer, c'est pas possible. C'est regarde s'il est sur Steam, possible. C'est vraiment un balai couille. Allez, vas-y. Celui-là, s'il est sur Steam, alors là. Alors, System Critical 2 est la suite de System Critical 1, qui n'est jamais sorti sur le PSVR ni sur le PSVR 2. Mais qui a bien marché pourtant. Et il est sur Steam. Qui a bien marché, ouais. Ah putain, il est sur Steam. Ah bah bon, décidément, The Old sur Steam, Formulas. Il y a de tout. Hein. Il est sorti le 29 septembre 2023. En plus, c'est un jeu très récent. Alors, System Critical 2, il revient et il est encore plus méchant que jamais. Ça, c'est ce qui est annoncé sur la fiche du jeu. En gros, faites exploser votre canon et utilisez des fusils, des armes. En gros, tu tires sur tout ce qui bouge, on va abréger. Et donc, quand tu vois le trailer... J'étais déjà en train de préparer ma corde pour me pendre quand j'en suis arrivé à peu près là. Oh. Quand même. Ah mais ah, Lolo, quand il voit trop de pixels, quand il peut pas, il n'y arrive pas. Ah mais c'est même plus du pixel, c'est qu'il y a rien qui va, il y a rien qui va. C'est un hommage au vieux jeu au Quake Arena, Unreal Tournament de 2004. C'est un hommage, Lolo. C'est un hommage de 2001. Est-ce que t'as vu mon test sur Organ Quarter? C'est un hommage. Oh non, commence pas. Oui, mais non. Mais non, tu vas le chauffer encore. Celui-là, je peux pas. Celui-là, je peux pas. Non mais arrête. Encore l'énervé. Tu vois le truc? Non mais j'aime bien parce qu'il s'énerve et il bouge partout et ça fait bugger sa connexion. Moi, ça me régale. Mais c'est quoi ce truc, quoi? Le logo qui est zoomé à mort avec des pixels de partout, le machin il est moche, enfin il y a rien de non, bon. Mais... Et ça alias de partout, même sur le trailer. Alors que normalement sur le trailer ça devrait pas aliaser. Mais oui, mais donc, c'est même c'est à faire aliaser un trailer. Ils sont attends, bons. Mais on est rétro, on là, l'est eux pas, ils sont quoi. Bons. Ouais. Ah non, mais là c'est pas du rétro. Bah déjà moi, regarde les. Ah non, je peux pas, ça c'est pas possible. Il a essayé, il a tenu 0,5 secondes. Ah mais là je te teste ça, mais en deux minutes je te le massacre. Donc c'est pas la peine. Non mais si tu prends la peine juste de. Parce que le trailer qu'on a mis dans les news, ça reflète pas ce qui donne sur Steam par contre. C'est pas, t'as un genre de gros flingue un petit peu comme le personnage dans Metroid là. Et t'as un genre de gros flingue comme ça au niveau de ton bras, et sur la version PC de System Critical 2 tu as des reflets, t'as énormément de jeux de lumière dessus. Donc non mais arrête, mais tu me l'as vendu là. Et j'ai bon, tu t'occuperas du test. Non, mais fais-toi plaisir. Faut voir. Moi, je dis faut voir parce que s'il y a des reflets, bon, je suis désolé, tu me l'as vendu. Mais non, mais il est. Tu dis qu'il est moche, machin. Ça alias. Moi, je te dis que la version PC. Non, mais c'est pas l'aliasing. C'est pas l'aliasing le problème. Le problème, c'est tout. C'est lui en fait. Le problème. La planète en arrière-plan, elle est moche. Il n'y a pas que ça, Elroco. C'est même pas une question de pixelisation, d'aliasing ou de trucs comme ça. C'est même les décors, en fait. C'est des cubes, des rectangles. Tu regardes l'espèce de table où il récupère l'arme à un moment. Voilà, c'est un hommage, en fait, au premier Unreal Tournament. Vraiment. C'est la même chose. Je juge sur pièce. Ah oui, là, on juge uniquement voilà, sur le trailer. Donc ça ne vaut absolument rien ce qu'on est en train de dire. Voilà, donc si le jeu me fait marrer, bien que enfin graphiquement c'est pas ce que j'attends, si on me pose la question, c'est pas du tout ce que j'attends en premier sur PlayStation VR 2, mais si il arrive à me faire oublier tout ça parce que tout l'emballage, tout le contenu autour fonctionne, à partir du moment où il fonctionne, il faut que le jeu arrive à t'attraper. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça a l'air d'être un concept. Le problème, c'est qu'il va falloir m'attraper. T'as l'impression que c'est un jeu multi, en fait, parce que ça ressemble vraiment à Unreal, hein, j'insiste. Ah, mais c'est... Oui. Alors que c'est un jeu solo, uniquement. Très bizarre. Je comprends pas. On a l'impression de jouer sur des maps avec des bots. Donc, on va voir ce que ça donne. Bah, c'est peut-être ça, en fait. Un concept de jeu massivement multijoueur, mais qui est avec des bots. Mais solo. Pourquoi pas. Bah, écoute... J'ai passé des heures dessus, sur des jeux comme ça, à l'époque, hein. Ah oui, non, mais c'est pour ça. C'est le à l'époque, moi, qui m'inquiète. C'est un hommage. T'es pas suffisamment nostalgique, Laurent, c'est ça ton problème. Tu vois, Organ Quarter, tu l'as pas apprécié à sa juste valeur. Ah non, mais t'as pas compris l'hommage. Il y a 30 ans, peut-être, mais là, je peux pas. T'as pas vu les trous dans les murs, t'as pas vu l'hommage. M'en fous. Pas la boîte de nuit. M'en fous. Je m'en fous des trous dans les murs, je sais pas. On t'expliquera. Non, c'était pas possible, c'est pas possible. Je peux pas. Bon, allez, on va arrêter de te tromper. Alors, on a déjà parlé. On a parlé du tueur de bonbons. Le meilleur arrive. C'est bon. Mais il y a mieux que ça. On a mieux. On continue avec les portages Quest qui arrivent sur le PSVR 2 avec Run or Die VR du studio Midnight Works, du low polygon, encore du low polygon. Le jeu, je dirais, qui me fait penser à Stride par moment, beaucoup plus moche. Ouais. C'est ça, non? Ah Stride, moi je, Stride, bah en fait Stride, c'est un peu un parti pris, un peu comme Mirror Edge où t'as une dominante couleur. Ouais. Donc c'est compliqué de le comparer parce que là pour le coup bah il y a pas énormément de dominance de couleurs. Moi tout ce que j'en retiens, non, mais c'est dans le gameplay, on arrive à faire un excellent trailer avec une musique qui tabasse sur un jeu qui quand même objectivement il a l'air de puer la merde. mais clairement tu as une musique de John Wick sur du gameplay, oui, on parle des animations, mais quand tu vois le gars en train de shooter les PNJ, mais c'est des trucs mais sans animation qui se déplacent comme les ça. PNJ, comme des... déjà, parlons-en des PNJ. Ah mais c'est chaud, mais par contre la musique tabasse, donc du coup, bah, et vu que c'est dynamique, bah, ça passe plutôt bien, mais... Alors bon, après, voilà, après c'est vrai le son que tu regardes, là pour l'instant... C'est pour l'instant, on donne notre avis sur à chaud, sur que des trailers finalement. C'est oui, vrai oui, que oui. Si on se rappelle de Pistol Whip, tu vois le trailer, c'est pareil, t'as envie de le descendre. Et après, quand tu joues, tu le trouves bien. C'est pour ça. Là, voilà. Mais c'est vrai que quand tu t'en prends 15 dans la figure comme ça, ça peut faire. Ça peut... Je me mets à la place du type qui vient d'avoir une PS5, qui ne connaît pas du tout la VR, et qui va se dire putain, est-ce que je vais me prendre le PSVR2? Je vais aller voir une vidéo de VR4Player et je tombe sur ça. Tu te dis, bah, c'est fini, non, j'annule mon truc, je vais faire autre chose, quoi. Je vais dépenser 600 balles ailleurs. Il y avait Crisis Brigade qui avait un petit peu le même design quand il était sorti sur PSVR. Avec les personnages un petit peu dans le même genre, qui avait trouvé son public en plus, hein, qui était sur PSVR. Qui était pas facile, je crois, en plus. Non. Ah, mais il était vraiment, super chaud. Il était super hardcore et justement ouais. C'était ça l'intérêt, avec une map, je crois, dans le premier. Et du coup, tu devais la recommencer assez régulièrement. Ah, le jeu était très court, hein, une dizaine de minutes. Je sais pas. Mais il fallait envoyer. Ouais. Hein. Je serais pas aussi dur que vous sur ce jeu-là. Ah, mais de toute façon, faut voir. Mais en fait, c'est le temps de digérer les 15 trailers. C'est ça. Je pense que c'est ça. C'est, le problème, c'est qu'on en a 15 d'un coup qui nous viennent dans la poire. Et que si tu le prends tout seul, au calme, tu t'es fait tu te fais un petit GT7, après tu te fais un petit jeu comme ça, ça va passer. Là, si tu t'en prends 15 dans la poire d'un coup, tu te dis, ah, mais c'est ça le catalogue PSVR2. C'est vrai que là, c'est un peu violent d'en prendre autant dans la figure d'un coup, quoi. Ouais. Ça manque surtout que tu t'as pas l'impression d'être surtout sur une PS5. C'est, ah non, c'est ça c'est sûr. Et que dans les 15, il y en a aucun. T'as pas l'impression d'être sur une PS4. T'as pas l'impression d'être sur une PS4 non plus. Hein. Mais c'est ça qui est inquiétant. Et puis vu qu'il va. Parce que eux, je pense qu'ils n'auront aucun retard de sortie par rapport aux autres. Et quand tu expliques aux gens que si vous voulez jouer à des jeux potentiellement bien, parce qu'ils peuvent quand même se viander malgré les retards, ça va être compliqué, hein, de convaincre une personne. En gros, il faudra leur dire joue à ces trois jeux qui sont sortis les deux premiers mois du casque, et puis arrête-toi à ça. Avec tu fais une compile, tu mets les 10 dedans. Une compile avec les 10 dedans. Ah oui, faudra faire une compile, mais. Presque, quoi. Mais là, sur. Toi, une compile de 10, mais là, avec les 15, est-ce qu'il y en a un qui. Allez, potentiellement, mais il faut voir. Faut voir. Est-ce qu'on en mettrait un sur les 15 Je préfère tuer les araignées, perso. Il y a Breacher. Breacher, je maintiens qu'il n'est pas si pire. Et Breacher et l'araignée. Sympa. Ouais. Breacher et l'araignée. Pourquoi pas. Ouais. Moi, je pense qu'il pourrait mettre un jeu. Je sais pas. À voir. Parce qu'on sait toutes les difficultés que Firewall Ultra a eu justement avec sa sortie un petit peu complètement chaotique, on peut le dire, où apparemment ça s'est arrangé justement, il y a eu des patchs qui ont été sortis et au niveau du matchmaking ça fonctionne un peu mieux a priori, et en tout cas c'est un peu moins la galère d'après ce qu'on nous a dit. Mais si ça peut mettre un petit peu un coup de pression justement aux équipes de Firewall Ultra pour améliorer leur jeu, ça peut être bien et ça propose toujours... C'est une proposition différente. Qui se dépêche, hein, parce que ça profite à Crossfire, hein, en attendant. Hein. Ça profite énormément à Crossfire, profite aussi à Pavlov. Ça profite quand même à pas mal de jeux. Et Pavlov, du coup, n'est pas si largué que ça. Hein. Il sort son épine du jeu, du coup, Pavlov. Ah bah il fonctionne déjà. Enfin, il fonctionne. Mmh. C'est moins galère de balancer une partie. Et puis c'est pareil pour Crossfire, hein. C'est simple, hein. Tu te connectes, t'as quelqu'un, bam, et t'enchaînes. Hein. Déjà ça c'est le premier truc, de pouvoir lancer une partie correctement sans galérer pendant 20 minutes. C'est... Et qu'est-ce que c'est long, 20 minutes sous un casque, en tout cas quand t'es pas avec tes potes, hein. Putain, c'est insupportable, hein. 20 minutes c'est très long sous un casque, hein. Avec le nombre de fois où t'as l'impression ça y est, ça se lance, on a perdu un tel, et on a perdu un autre, et tu recommences, quoi. Non mais moi c'est sur le firewall, c'est le délire du M-bot, du genre t'appuies sur un bouton, ça lock le truc, c'est ça qui me choque le plus, hein. Plus que ce qui ne fonctionne pas correctement pour lancer une partie. Moi là déjà je me dis mais why. Bon, on en a déjà parlé, et puis bon après t'es pas obligé de l'utiliser non plus, donc non mais bon, ça fait partie des règles du jeu. Carton jaune, hein. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres jeux Quest, s'il te plaît ? On rappelle que c'est un podcast PSVR2. Hein. Il faut le rappeler le de temps en temps. Le monde des maths en VR, ou Math Worlds, un jeu exceptionnel où vous allez devoir... alors c'est marrant, parce que si vous avez des enfants de Alors des petits enfants, ça ira pas parce qu'ils peuvent, on peut pas mettre le casque VR normalement à moins de 12 ans. 7 ans. 12 ans. En gros, allez, c'est un jeu qui oups. Ouais, c'est à moins de 12 ans, PSVR 2. Ouais, mais je l'ai fait aussi, hein. Ma fille, elle était dans le Job Simulator, elle avait 9 ans, 10 ans. Après, je suis un père indigne. donc le jeu consiste en fait à t'apprendre les maths en faisant des petits jeux. Donc c'est des trucs où il va falloir envoyer des bidules dans des cerceaux, tirer sur des cibles avec un lance-pierre. En fait, ils vont te dire par exemple 5 plus 2, et puis il faut que tu tires sur la cible où il y a 7. Et si tu tires sur 9, et bah t'as pas le point. Donc c'est un truc pour t'apprendre le calcul mental rapide, les multiplications, les additions, tout ça, tout en jouant. Donc pour les petits, ça peut être sympa, je pense, pour apprendre. C'est vraiment, c'est pas un jeu pour nous, quoi. Mais pour les enfants, ça, pourquoi pas. Après, bon, bah, c'est sûr que si tu le vois en tant que joueur hardcore gamer VR, tu vas rigoler. Si tu le vois en tant que papa, tu auras certainement un autre œil sur ce genre de truc. Mais voilà. En tant que papa indigne qui fait jouer. Déjà, moi, en tant que papa, j'imite sa fille à 5 ans sur Resident Evil 7. Voilà. Je rigole. Mais quitte je à ce que tu joues sur un truc, joue à un bon truc. Voilà. Voilà. Allez hop, Silent Hill 2. Mais tu vas pas jouer. Paf. Tu vas pas jouer à Matt Wars. Je te mets Resident Evil 8. Non. Voilà. Mais j'ai peur, c'est papa. Quoi, mais ça, arrête. Chochote. T'as pas la vie. Regarde, il y a un petit bébé et tout, tranquille. Ah, mais il a pas buté la maman. Ah. Tout va bien. Papa, la vieille, elle me fait peur. L'émission la vieille dans le fauteuil, elle me fait peur. Si t'as les moyens pour les séances de psy après, hein, écoute. Hein. Ah ouais, qui te saute à la gueule en plus. Papa, ouais, papa les bakers, ils sont complètement tarés. Non, bon, tranquille, bref. Tranquille. Après, on en a un autre qui nous vient du Quest. Oh, disons. Qui arrive sur le PSVR 2, qui s'appelle Crispen Hero VR. Donc c'est Roguelite Dungeon Shooter Simulator. Oh putain, mais c'est quoi ce nom? Oh, c'est un truc déjà. Alors non, c'est un jeu qui est sorti. T'as certains sur titres, je pouvais pas les mettre dans le. Ça rentrait pas oui, dans toute la bande. Hein. Ça rentre pas. Que, ouais, mais. Voilà. Oui, non, mais. Imagine, non, oui. Ils en font un 2 ou un 3, tu peux pas rentrer le 2 ou le 3 tellement le titre il est long. The Revenge. Donc c'est un jeu. Je sais pas quoi dire. T'as envie de dire un truc, El Rocco? C'est moche. Bah, si on parlait des vrais jeux PlayStation VR. Ouais, allez, on change de jeu. On change de jeu. Okay. Non, mais un vrai jeu. Pour... Un vrai jeu. Je vais vous en parler d'un vrai jeu. Pour en dire deux mots, c'est honnêtement, c'est un FPS roguelite. Ah, mais... de la merde, il y a trois mots. Non. Mais honnêtement, c'est le truc. Déjà, il n'y a pas de trailer. Il n'y a pas de trailer officiel. Ah, bah, ok, je cherche depuis tout à l'heure. Je risque pas de trouver. Ah non, non, tu risques pas de trouver. Le trailer que je vous ai mis, c'est le trailer de la version Switch. Ouais. Apparemment, le jeu en VR sera le même que sur la version Switch. Et c'est du style, il n'y a pas d'animation. Tu meurs, le truc en fait, tu meurs, l'ennemi te regarde, tu meurs. Il s'approche de toi, je retouche, pouf, terminé. Ah, je retire tout ce que j'ai dit sur Breacher, c'est les animations des personnages. Parce que quand on voit celui-là, le personnage, là, il ne bouge pas en fait. Il se déplace, mais il ne bouge même pas les jambes pour marcher. Ah bah, tu vois. Bah alors, le dinosaure, il t'arrive dessus, c'est un bloc en plastique qui arrive sur toi, qui marche sur un axe. Non, allez, on va parler de vrais jeux maintenant. Mais t'as vu, t'as dit un truc bien sur un jeu Quest. Tu progresses, Laurent. Tu progresses. En parlant de Breachers. Ouais. Oui, bah laisse venir. attends, qu'on fasse une partie ensemble, tu vois. Je vais être un petit peu moins dithyrambique, je pense. Alors. Ah non, mais si c'est moche. Arrête. Tranquille. Non, mais c'est vrai, je pourrais pas. Si c'est moche, moi en VR, si c'est pour me niquer les yeux, laisse tomber. On n'arrive pas à jouer avec le chef de VR 4 Player. Je crois qu'il a peur de perdre, en fait. Tu vois. C'est principalement ça, ouais, je pense. Non, c'est non. Il shoot autant qu'il a de la répartie. Donc tu vois, est-ce qu'il pas de nous jeter beaucoup. J'ai des yeux, j'ai des yeux bioniques et de ce genre de jeu. Je fais demi-tour. Déjà, After the Fall, quand il est sorti, je dis, oh putain, sur PSVR. T'abuses. Je m'en rappellerai encore. Le premier jour. Tu pourrais le relancer. Tu le relances et franchement, tu pourrais venir. Mais je l'ai relancé sur le PSVR 2 et il est toujours moche. Non, mais on peut rien faire avec lui. Il y en a un qui me hype. Ah non, mais c'est voyez, erreur 404 et il reboot à chaque fois. C'est moche. Alors, il y en a un qui me hype. c'est Vertigo 2, qui est développé par Zach Tsiakalis-Brown et qui est édité par Zulubo Production. Alors c'est un jeu qui devrait sortir le 24 octobre, donc la semaine prochaine, Vertigo 2. C'est un jeu qui a reçu sur 1441 votes sur Steam VR. Il a reçu une note extrêmement positive, une moyenne de 10 sur 10 sur Steam, c'est rare. Et en plus de ça, après sa sortie sur PC, Road to VR, le site VR, je crois que c'est un site américain, il parlait même d'un des meilleurs jeux VR depuis Half-Life Alyx. Wow. Donc, déjà, attention. C'est vrai que le trailer, moi, franchement, il m'a plu. Ce jeu... Vous êtes toujours en train de dire du mal de Fogland parce qu'il y a de la fumée dedans, mais moi Fogland il me hype aussi. Et celui-là, bah, il fait partie des jeux qui me hype. Tu vois, t'essaies pas de nous 2, dire c'est un là truc que je l'attends. T'essaies pas de dire que nous on dit du mal des jeux sans y avoir joué, c'est ça? Vous arrêtez pas de dire du mal. T'essaies de nous attaquer là. Ah ben, parce que je comprends. Mais non. Et Fogland, la dernière fois, vous disiez, ouais, ils ont mis de la fumée pour cacher la misère. Mais Fogland, je le trouve pas laid. Déjà, c'est Majo. Hein, voilà, il est pas là, donc du coup, on va mettre sur la gueule. Ah, c'est bien. C'est bien. Il répondra pas. Comme et ça. Celui-là, Vertigo 2, je le trouve pas laid. Je le trouve même plutôt chouette. Quoi. À mon avis, j'ai été très critique, celui-là. Mais quand j'ai vu que ça pouvait gicler et même gicler fort. Avec des armes qui font vraiment du sale, comme des gros fusils à pompe. Les armes ont l'air très similaires un petit peu à Half-Life dans les mini lance-roquettes, tous les petits trucs comme ça dans un univers assez futuriste et varié. Les ennemis sont variés, les environnements sont variés. C'est le côté, hein, en fait, graphiquement, je m'attendais pas à ça, mais après, quand on voit les explosions, les. Et certains boss, parce qu'il y a aussi voilà, des combats de boss, oui, des et boss. Tout, qui sont qui ont l'air des d'être, boss géants même. Bah, ça a l'air quand même compliqué. En fait, c'est vraiment la variété et les petits détails, tu vois. De bah, mine de rien, c'est les trucs. Moi, de toute façon, c'est les petits détails, c'est ce qui me touche en particulier dans un jeu. Et bah, tu sais, tu t'envoies, tu défourailles dans un petit tunnel où t'as une race d'aliens bizarre et tout, ça envoie du sang sur les murs, les trucs comme ça. Moi, à partir du moment où t'as plein de petites choses comme ça, mis bout à bout, ça me titille, ça me fait des gouzi-gouzi. Donc j'étais assez critique au départ, mais de plus en plus ça me hype. Ouais. Alors, ouais. Ce jeu, c'est un trip. Hein. C'est un trip sous LSD. Hein, pour l'avoir essayé un petit peu, c'est un univers qui part dans tous les sens. Tu vas être attaqué par des espèces de têtes carrées, enfin cubiques. Qui vont faire des bruits bizarres en te fonçant dessus et puis qui vont exploser dans une gerbe de sang après un coup de fusil à pompe. Ça me fait un peu penser à des délires un petit peu à la Rick et Morty dans l'univers. Tu vas récupérer une arme, t'as l'impression qu'elle est sortie de Portal 2, tu vas tomber dans un trou, et ça va passer à une autre phase de gameplay où tu vas être sur le dos d'un animal en train de shooter des espèces de d'astronautes chelous qui te foncent dessus. Enfin voilà, c'est à mon avis, je pense que pendant le développement il y a eu beaucoup de drogue et puis du coup ça a donné ça. Je pense qu'il y a eu nos limites au niveau de l'imagination des développeurs. Ça, t'as des petits passages, ça fait penser au premier Half-Life. T'en as d'autres, ouais. ça fait penser un petit peu à Budget Cuts. Ça prend plein de trucs à droite à gauche. C'est délirant, c'est psychédélique, voilà. Et c'est un univers à mon avis, t'accroches ou t'accroches pas. Après, le comparer à Half-Life 2, je pense que c'est un coup d'un marketeur quelque part. Half-Life 2 ou Half-Life Alyx. Half-Life Alyx. Ah. Non, Half-Life Alyx. Alyx. Je pense que c'est un coup d'un marketeur qu'il avait. Moi, je pense que t'as les deux qui sortent en même temps. Meilleur. T'aurais Half-Life Alyx et Vertigo 2 qui sortiraient en même temps. Je crois que le choix il serait vite fait, hein, pour n'importe qui. Hein. Ah oui, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient? Non, ils avaient déclaré. Ils avaient déclaré. L'un des meilleurs jeux VR depuis Half-Life, Alyx. Ah bah après voilà. Et par contre au niveau des notes, c'était il tape les 9 ou les 10 sur 10 pas mal d'endroits. C'est quoi. Dynamique, c'est à l'ancienne, ouais. C'est tout te saute dessus, tout ce qui est tout ce qui vit autour de toi, envie de te buter. Il a 10 sur 10 quoi, sur Steam VR hein, avec 1141 votes. Ouais. Non, ça a l'air super varié, franchement un bon délire. Et édité par Perpetual encore. Édité par Perp Games, version physique aussi. Édité par Zolubo Production. Sur PC. Ah, mais la version physique. La version physique aussi, ouais. Et aussi en physique. Qui va sortir normalement, je crois, dans pas très longtemps en plus. Attends, moi qui l'aficionados de la boîte. Mais tu vois, on va quand même garder dans l'esprit du grand public Alpha et Felix, le meilleur jeu VR. T'as des jeux qui sont très très bien, qui vont sortir en plus, qui ont eu un énorme succès, comme on peut le voir avec Vertigo 2, qu'auront pas l'impact non plus marketing. Ce genre de jeu là, j'espère qu'il va fonctionner sur PSVR 2, mais en tout cas ça sera pas sur le nom de sa licence, hein. Ça va vraiment être les aficionados de la VR qui vont se jeter dessus pour avoir un bon jeu d'aventure, quoi. Non mais c'est clair. Bah, celui-là, ouais, celui-là je l'ai de côté là. Il me hype en tout cas pour l'instant. Après, on n'a pas fini. On a déjà parlé de Very Bad Dreams. On n'a pas parlé de Ghostbusters Rise of the Ghost Lord qui arrive le 26 octobre, semaine prochaine. Là, c'est pareil. C'est développé par N-Dreams. Alors, N-Dreams, c'est un studio, moi perso, que j'aime beaucoup. Notamment. Fract, Synapse. Déjà en commençant par Fract. Et puis, il y avait aussi même le jeu où tu devais tirer sur des fruits et légumes. Fruity, Juicy, je sais pas quoi, Juicy, Fruity sur PSVR. Très bien, c'est leur premier jeu, je crois. Et Fruity, faut commencer. Non, Juicy, Fruity machin. C'est, je sais plus, c'est le premier jeu de N-Dreams. Juicy, Fruity, je sais pas quoi. Shooty Fruity, c'est ça. Shooty Fruity. On dirait un jeu porno. Et tu avais plein d'armes et tu devais tirer sur des fraises géantes et des Juicy Fruity. Et des framboises géantes. Ouais. T'avais une arme, mais on peut pas dire ce que c'était. Et il était déjà. Bah non, mais il était. J'aimais bien l'area. Il était bien foutu. Les couleurs, tout malé, quoi. Pourtant, c'était un jeu tout con, hein. C'était un jeu de un shooter par vague d'ennemis, mais déjà je disais putain, c'est... et tu vois, bah, tous leurs jeux en général, ils ont quelque chose. Là, Ghostbusters Rise of the Ghost Lord, l'intérêt c'est de pouvoir jouer à 4 en coop. Si on est tout seul, parce qu'il y a énormément de boss, et les boss en général on peut pas les buter tout seul, par contre ils ont aussi prévu l'IA pour être assisté par un petit fantôme qui va être avec vous si vous êtes tout seul pour buter les boss, donc vous serez pas tout seul. Après bon ben c'est discutable, c'est encore un jeu qui est adapté aussi pour tourner sur Quest. Graphiquement, je sais pas si ça plaira ou pas, il a pas l'air si moche que ça. Mais on en avait parlé, c'est le jeu coop où tu peux, comme disait le Rocco, oui, le Ghostbuster. Où tu peux customiser tes persos à la Fortnite et puis avoir un truc qui crache complètement à la gueule de la licence, quoi. C'est ce truc-là. Exactement. Ok. Bon. Comme tout ce qui est sorti donc, ces 5 dernières années. Je l'attends. À mon avis, il va être propre, il va être net. N-Dreams, je fais confiance pour ça. Je suis fan de Ghostbusters et j'ai rien trouvé de Ghostbusters dedans, en fait. Hein. Ah, donc, si, le logo. Oui. le petit la logo, musique. La musique. Ouais, non, on verra, on peut se tromper. Hein. Ah, j'espère qu'il y a le mangeur de saucisses tout vert, là. Comment il s'appelle ? Bouffetou. Bouffetou. Oh, quand même, Lolo, ça va pas, hein. Ça va pas. Non, parce qu'il a plusieurs noms. Là, vous l'appelez Bouffetou, mais il y en a qui lui donnent d'autres noms. Bah, je sais plus son nom. Ah, c'est peut-être le nom du dessin animé. Je te laisse répondre, El Rocco, bon, toi, pour les noms sur les vieux films, tu t'y connais vachement. Oui. fais pas ton pas-zouzou, toi. Attention. Je te vois là comme ça. Ouais. Donc Ghostbusters, à voir. C'est peut-être un très bon jeu. On verra. On sera bientôt fixé de toute façon. Donc on va commencer à demander les clés. À mon avis, on peut se faire une petite partie à 4 assez amusante avec ce truc-là, je pense. Ça pourrait. Faut qu'on organise ça sur la chaîne, qu'on y aille à 4 et qu'on fasse une partie. Qu'on le teste à 4. Bah, oui. Cool. Voilà. Ouais. Après, Journey to Foundation, donc le jeu tiré de récemment la série d'Apple TV et puis les livres de Isaac Asimov. Pareil. Mais pareil, on en a parlé aussi ça il y a 2 semaines. Mmh. Ouais. Voilà. Parce que ça, et ça lui, il arrive. Ça arrive. Et ben, il arrive. Il arrive. Il arrive et il sort le 26 octobre 2023. Parfait. Donc, semaine prochaine, on va avoir quand même quelques bons petits trucs qui devraient débouler, à part Very Bad Dreams qui est repoussé au mois prochain. Mais on a quand même des trucs intéressants qui déboulent. Après, on a un autre, c'est Box to the Beat. Alors, celui-là, par contre, j'aurais pu le mettre avec ceux qu'on a parlé tout à l'heure. C'est studio Kossouf qui arrive en octobre, donc vu que le mois d'octobre est bientôt terminé, il devrait plus tarder. C'est un jeu de boxe, mais de boxe rythmique. Donc c'est à peu près la même chose qu'on a dans... c'est lequel où on peut faire de la boxe en tapant dans les trucs qui arrivent sur toi à la Beat Saber. C'est pas Beat Saber. C'est pas Box to VR ou je sais pas quoi là, un truc comme ça. Non. J'ai bouffé sur PSVR 2 où on peut justement. T'as un mode box dedans. Et les cubes, quand ils arrivent sur toi, tu peux les bousiller en mettant des coups de poing. Mm-hmm. Bah, c'est le principe de celui-là. Bon, le trailer il fait pitié. Le look général il fait pitié. Après, il faut voir quoi. Encore ils ont utilisé l'IA partout, même sur l'affiche. Le type, il a 6 doigts d'un côté et 4 doigts de l'autre, mais bon, à part ça. Ouais, mais il y a peut-être une raison, c'est peut-être, il y a peut-être un. Eh ben oui, ils savent pas dessiner, ils ont utilisé l'IA. Voilà. La raison, elle est là. Bon, après, on peut accélérer. Non, je pense que celui-là. Bah, disons, c'est comme on disait tout à l'heure pour Tetris, c'est qu'il y a tellement de. Il y a des jeux de rythme qui sont bien meilleurs sur PSVR 2. Donc celui-là, pourquoi pas, mais quand t'as déjà tout fini les autres, quoi. Mmh. Ok. Et si vraiment, faut être mordu, quoi. Donc, un petit mot rapide sur juste pour rappeler que Hubris a une mise à jour, une démo gratuite à télécharger sur le store pour ceux qui hésitaient peut-être à l'essayer, qui ne savaient pas trop, qui l'avaient dans le collimateur, mais qui ne savaient pas niveau prix et tout. Eh ben, vous pouvez aller choper la démo gratuite pour voir un petit peu à quoi ça ressemble sur votre PSVR 2. Donc ça, c'est toujours bien parce qu'il y en a qui vont pas claquer 50 balles par mois en jeu vidéo, et de temps en temps ils sont contents d'avoir une démo gratuite pour tester un nouveau truc. Et c'est le premier quart d'heure, on va dire une demi-heure du jeu, donc ouais, ça vaut le coup. Mmh. Voilà. Bah, on parlait du top 10, il serait dans le top 10, hein, lui, perso. Dans Hubris. Hubris, ouais. Si on devait faire un. Oui, il est pas mal. Il est beau. Il est pas mal. Ouais. Des beaux jeux ou... Bah, des beaux jeux. Il est un peu mou, mais il est bien. Un jeu qui justifierait un petit peu plus avec tout ce qu'on a, un achat du casque, quoi. Ouais. Ouais, il serait pas dans les premiers, mais il aurait sa place, je pense. Oui. Il serait dans les 20 premiers. Les 20 premiers. De toute façon, il y a une démo. Qu'on sait que sur le PSVR 2, il y a 17 jeux qui sont natifs PCVR et console, donc il peut être que dans les 17 premiers. Parce que en tout, tu as. Tant qu'on y est, on va le dire. Hein. Sur 114 jeux, tu as 34 jeux, c'est des portages PSVR. Donc 30% des sorties sur PSVR 2 sont des jeux PSVR remasterisés. Tu as 63 jeux qui viennent du Quest. Donc tu as 55% des jeux PSVR 2 qui sont des jeux Quest. Et tu as 15%, 17 jeux qui viennent du PCVR et console, qui ne sont jamais sortis sur autonome. Et enfin, pour finir, tu en as deux, donc 1,75% qui sont développés par les PlayStation Studios. C'est surtout ça qui fait mal. Hubris, il est sorti sur Quest. Voilà. Hubris, il est sorti sur Quest. Ouais. Il y a même des comparatifs, même des comparatifs sur Internet des versions Quest PC et PSVR 2. Et c'est la version qu'on a, c'est la version PC. Ah oui, clairement, oui, vraiment clairement. Je me suis pas trompé, donc. Non, quand je dis version Quest, c'est qu'on se chope la même version que le Quest. Ouais, ils nous ont pas fait une green L VR. Mais ils s'en sortent quand même très bien sur après, Quest. Après, il y a aussi. Petite mise à jour de DLC de Legendary Mix, donc c'est le DLC de Dream Rock, le jeu de batterie où c'est que tu dois tuer tu dois garder le rythme et en même temps tuer des monstres qui arrivent sur toi, des démons qui arrivent sur toi. C'est un DLC qui vient de débouler, donc Legendary Mix volume 1, où dans lequel il y aura pas mal de titres de Offspring, Space Hog, Collect Soul et Lit qui seront dans ce nouveau DLC. Donc pour ceux qui ont déjà le jeu et les fans de rock, ils vont pouvoir s'éclater là-dessus. Il y a aussi une autre mise à jour qui est sortie sur Crossfire Sierra Squad. Donc c'est la première grosse mise à jour de Smilegate Entertainment, avec la possibilité de choisir de recharger ses armes manuellement. L'amélioration du mode multijoueur avec possibilité de choisir entre le jeu en ligne ou le jeu hors ligne au début de la mission. Il y a aussi une campagne qui a été modifiée, qui posait problème visiblement, qui s'appelait la campagne Tutora, qui a été totalement retravaillée. Il y a la page de guide de contrôle avec l'ajout du dictaticiel qui a été également modifié, et on peut aussi modifier des valeurs de décalage de l'arme pour régler, si on voit qu'on tire un peu trop haut, on peut régler vers le bas pour régler ses armes en fait. Donc voilà, c'est une autre mise à jour qui est arrivée. Ensuite, on y est bientôt, je voulais parler également de Peaky Blinder, qui arrive également sur PSVR 2, développé par Mess Theory. Alors là aussi, j'ai un souci avec ce Peaky Blinder, parce que en fait, la version Steam PC n'est pas encore sortie. Donc on n'a pas de trailer du jeu sur PC, donc pour l'instant, j'ai pu mettre que le trailer de Quest, vu qu'il est sorti sur Pico et Quest. Du coup, ça fait un peu peur quand on voit le trailer, parce que forcément, ça pique un peu, notamment sur les visages des personnages qui sont assez moches. C'est un peu carré tout ça. Et je crois qu'il arrive sur Steam au mois de novembre. Donc, la version PlayStation VR 2 va arriver à peu près aussi, à mon avis, dans le même temps. Donc, ça peut être quelque chose qui a été totalement retravaillé, comme ça peut être une version Quest avec 3 éclairages en plus. Je sais pas, à suivre. Pour les fans par contre de la série, ça peut être sympa à suivre de retrouver tous les personnages. Ah, ce sera peut-être notre petit mafia en VR, qui sait ? Peut-être, je sais pas. J'y crois pas des masses, mais pourquoi pas. On espère en tout cas. Il y en a un autre, Survivor Man VR, qui est développé par Crime Production et Descent VR. Donc là, c'est un jeu qui est déjà disponible sur Quest 2, qui est sorti le 18 octobre, donc hier, sur Quest 2. Il y a une nouvelle version qui va arriver apparemment sur Steam et PS5. C'est ça, Steam VR et PlayStation VR 2, ils arriveront en même temps. Donc là encore, c'est comme pour Peaky Blinder, on ne sait pas trop comment ça va être géré, si ça va être. Pour l'instant, on a pu voir que le trailer de Survivor Man, donc. Sur Quest 2. Le but du jeu, vous arrivez, vous êtes dans un avion, l'avion se scratch, vous finissez en haut d'une montagne, l'avion s'est scratché, vous êtes gravement blessé, et c'est un jeu de survie. Il va falloir redescendre tout en bas de la montagne sans crever. Donc pour ça, il va falloir, vous êtes blessé, il va falloir vous guérir, allumer des feux, faire attention aux tempêtes. C'est un jeu qui est développé, donc tout à l'heure je parlais de la production qui était Crime Production, c'est une émission de télé américaine avec des gens qui sont survivalistes dedans, qui sont très connus apparemment, et c'est eux qui ont aidé justement parce qu'ils ont une bonne connaissance de la montagne et de ses dangers, et c'est eux qui ont aidé pour le développement de ce titre là. Pourquoi pas, faut voir comment c'est réalisé, et ça peut être sympa. Sur le jeu, parce que le trailer pour le moment, il envoie pas du rêve. C'est un trailer Quest. Moi, c'est ce qui me gêne le plus, parce que bien souvent quand on parle de ces trucs-là, de toutes ces annonces, la plupart du temps, j'ai été obligé de balancer des trailers Quest parce qu'ils sont pas sortis sur la chaîne officielle PlayStation. Donc tu sais pas exactement à quoi, si ça va être bien ou si ça va être comme ça ou si ça va être mieux. Non, mais tu dis que ça vient d'une émission télé américaine. Là, clairement, le bordel, il est pas texturé. Ça a l'air d'être modélisé à la serpe. Les personnages, c'est des personnages. T'as pas d'ombre, t'as rien. C'est même pas du PSVR 2. Oui. Enfin, de la PS2, c'est de la PS1. Oui, oui, oui, oui, oui. L'animation de l'ours, au secours. Enfin. Là, franchement, pour une fois que je suis optimiste. Ah bah justement, je voulais te niquer ton délire. Me le flingue. Non, mais t'as vu le truc quand même, Judas. Laurent, il est optimiste. Non, là, on ne l'attend pas du tout, tu vois. C'est ça. Et mollo, parce que franchement, le trailer, je suis d'accord avec vous, il a chié. Ouais. Non, par contre, ce que je dis, c'est que peut-être que il va y avoir la version PC qui sera plus jolie. Les miracles, ça existe. On sait jamais. Voilà. Et ce que je veux dire par émission de télé, en fait, c'est les types qui s'occupent de ils s'appellent les Stroud, donc ils sont sur une émission emblématique américaine qui fait que du survivalisme, et donc ces types-là qui sont habitués de la montagne, c'est eux qui ont aidé à faire le jeu pour expliquer tous les dangers que si ça arrivait, si tu te craches dans un avion, t'es pas mort, et comment t'en sortir avec le froid, avec tout ça, et c'est eux qui ont donné, et apparemment ils présentent le truc comme à la fin de l'expérience. Tu vas connaître plein de trucs que tu ne savais pas pour survivre. Ce qui peut être pas mal. Moment, tu vas forcément boire ton pipi ou des trucs comme ça. Trop bien. tu boire ton pipi en VR, ça devrait être mal. Voilà ça. Mon rêve. Donc, donc ben voilà, il arrive, voilà. Donc me tapez pas dessus, il arrive. Non, voilà. Non, mais t'es pas responsable directement, hein, Laurent, de ce genre de production. Ne t'inquiète pas. Après. Ah, on a bientôt fini. Je voulais vous parler aussi également de du nouveau Polyarc, le studio de Moss et Moss 2 qui vient d'annoncer Glassbreakers Champion of Moss qui est sorti le 13 octobre sur Steam VR. Alors le truc qui a retenu mon attention, c'est que c'est déjà un jeu Polyarc, que le jeu a été annoncé donc le 13 octobre sur Steam VR, sur Quest 2, sur Quest 3, sur Quest Pro, mais pas sur le PSVR 2. Donc ma petite théorie là-dessus, c'est que je ne vois pas franchement Polyarc ne pas sortir son jeu sur PSVR 2. Donc pour moi, PlayStation l'ont bloqué celui-là pour l'annoncer ultérieurement dans un State of Play qui pourrait arriver en novembre. Je comprends pas pourquoi ce jeu-là n'y est pas et je suis quasiment sûr qu'il sortira sur PSVR 2. Alors il n'est pas annoncé, c'est problématique effectivement. À noter qu'il est disponible du coup gratuitement en accès anticipé sur Steam depuis effectivement le 13 octobre. J'ai pas eu encore l'occasion de le tester, donc c'est un jeu de stratégie un petit peu comme Demeo à l'époque, donc sur une petite table avec les décors qui viennent du coup de Moss 1 et Moss 2. Avec les héros dont certains et même la plupart qu'on croise dans les deux jeux. Et voilà, mais je pense que justement le fait qu'il n'ait pas été encore annoncé sur PSVR 2, c'est uniquement parce que le jeu il n'est pas fini quoi. Il n'est pas fini et d'après les retours, il y en a très très peu, hein, il y en a un de retour. Ouais. Pour le moment, ça fonctionne pas des masques encore pour le moment. D'accord. C'est incroyablement nul. Voilà, c'est ce qui est marqué. Donc. Ah oui, d'accord. C'est bien d'essayer des choses, hein, mais quand t'es une référence un petit peu du jeu d'aventure sur PSVR 1 et PSVR 2 et même sur les casques autonomes, c'est un petit peu dommage de se planter dans un nouveau type de jeu. Faut essayer des choses. Hein, Le multijoueur, on se souvient de Impulse Gear qui avait sorti le magnifique Farpoint sur PSVR et qui a voulu faire mumuse avec l'Arsenauts, donc en multi. Je suis pas sûr qu'il ait reçu un si bon accueil que ça, l'Arsenauts. Ah non. Là c'est pareil, c'est dommage parce qu'ils tiennent quand même une belle licence Moss et Moss 2, et là ils se lancent dans... J'espère qu'ils vont pas se planter parce que ce studio je l'aime bien, mais bon, on verra, à suivre. Bon, pas mon délire. Voilà. Bon, bref. J'aurais préféré un Moss 3, quoi, mais bon. Oui, voilà. Ça va venir. De toute façon, on sait que ça va venir. Et puis, la mise à jour. Je vais plus parler, ça va faire du bien. Il y a la mise à jour de Switchback, The Dark Picture. Oui. Le mode Horde. Et je ne dirai rien dessus. Le mode Horde, donc Switchback, qui a déjà eu un patch pour affiner un petit peu les graphismes et la résolution du jeu qui rend le jeu quand même beaucoup plus agréable. Il y a toujours le problème de rythme sur certains passages de la campagne solo, mais qui a quand même connu un bon upgrade et qui le rend enfin appréciable sur PSVR 2. Donc ça déjà c'est une très bonne chose. Et donc oui, effectivement, ils ont sorti le mode Horde qui est un DLC gratuit. Et qui est disponible depuis quelques jours et récupérable sur PS5. Je l'ai essayé j'ai vraiment essayé le tout début en fait, ça les deux premières parties de la Horde où on commence directement dans le feu de l'action. Justement, j'en discutais avec Spanks, un ancien de l'équipe cet après-midi, et qui me disait franchement, tu veux faire essayer un roller coaster d'horreur à des gens qui connaissent pas la VR, tu leur mets directement le mode Horde, et en fait pour découvrir ils vont s'en prendre plein la gueule. Tu commences directement sur les rails et ça va bien plus vite et c'est il y a beaucoup plus de ah merde, comment on appelle ça, de bestioles, de zombies, de rapide, je sais pas, de... Ah, de virage, de dénivelé. Merci, il est tard. D'accord. De dénivelé en fait. Ça fait des petits guillots au ventre. Voilà, exactement. Mmh. Et donc, du coup, ça te met directement dedans. En fait, ça va bien plus vite. Voilà, ça tourne, ça monte, ça descend. Il n'y a pas de temps mort en fait. Il n'y a pas les longueurs exactement. Du mode scénario. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de passage où ton chariot il s'arrête et t'entends un fantôme qui est en train de te souffler derrière l'oreille. Ça t'a pas ce genre de truc là. Non, t'arrives ensuite dans une espèce de salle. Donc, ça reprend après. Les décors de façon beaucoup plus condensée des maps existantes du jeu. Et puis t'as quelques têtes à mettre pour avoir des points bonus. Après c'est un shooter en horde, et forcément à scoring. C'est-à-dire qu'en fait tu dois mettre des têtes pour gagner des bonus de score. Et ça, et tu te fais attaquer par devant, par les côtés, par de, en haut, en bas, de partout. Ça arrive tout en même temps sur ta gueule. Ça te fait très mal aux doigts parce que tu te rends compte que la gâchette adaptative justement des Versense, et ben mine de rien, quand t'es obligé de shooter et que tu fais quasiment du non-stop pendant 5-10 minutes, et ben au bout d'un moment ça commence un petit peu à faire mal aux doigts. Mais après t'es content, une fois que t'as réussi quand même à passer ta vague et à passer à la suivante, t'es content de toi. Donc c'est de l'action non-stop, c'est du roller coaster non-stop, plus violent que le jeu de base. Et voilà quoi, pour ceux qui, voilà, pour ceux qui aiment voilà, le scoring et puis le défoulement, parce que là toute la partie horreur ambiance du jeu, là tu l'oublies complètement, c'est de l'action pure et dure hein. C'est ouais. Vraiment de l'action pure et dure, mais ça fonctionne plutôt bien. T'as tous les types d'ennemis justement qui tombent dessus, c'est l'action est soutenue, le rythme est soutenu, tu n'arrêtes pas. Une fois que t'as fini ta vague, t'as la petite goutte quand même ouais, je pense que tu transpires gras quoi. Et c'est gratos, et franchement c'est un beau geste. Alors oui, et puis on avait su le démarrage de Switchback avait été un peu laborieux quand ils l'ont lancé, parce que c'est vrai que le jeu était relativement flou. C'était principalement le fait qu'il soit flou, le problème il me semble. Et bugué. Et les animations et pas bugué. Ouf. Certaines animations. Et des animations ouais, qui étaient un petit peu. Et ils ont quand même, ils sont quand même. Moi je prends ça un petit peu comme un petit truc gratos pour s'excuser peut-être. En tout cas, il y a déjà eu une première mise à jour qui a corrigé les problèmes visuels. C'est vrai que quand tu le relances aujourd'hui, tu vois qu'il est quand même beaucoup mieux que ce qu'il était le 22 février. Enfin, non, il est sorti en mars, je crois. Début mars, enfin, quand il est sorti. Et bon, bah là, maintenant, bah, y a un petit truc en plus. Du coup, le jeu commence à devenir plus intéressant que ce qu'il était au début. C'est un peu comme No Man's Sky qui s'est quand même amélioré en 6 mois. Quoi. Il ressemble de plus en plus à ce à quoi il devait ressembler à la sortie. Voilà, le jour J. Ouais. Ouais. D'ailleurs, No Man's Sky, je l'ai passé dans nos coups de cœur, du coup. Alors qu'il ne l'était pas du tout depuis la dernière mise à jour. Switchback, il va certainement falloir le réévaluer, parce que j'ai toujours en tête la première version moi, quand il est sorti au début mars. Oh, mais là il n'a plus rien à voir, j'y retourne. Là il n'a plus rien à voir du tout. Mais après bon, bah, tu verras, tu me diras ce que t'en penses. Fais trois niveaux d'un coup et après tu me diras ouais. Ton retour. Mais je l'avais fini sur mais j'étais pas très j'étais pas quand on l'avait joué, je vous l'avais dit je l'avais trouvé naze. J'avais 100 fois plus aimé sur PSVR Rush of Blood. Mm. Au niveau de la réalisation. Mm. Mais après je vais y retourner, parce que s'il est plus sympa, faut voir. Ouais. Ça révolutionne pas le jeu. Sympa hein. À faire. Ça le révolutionne pas non plus. Hein, non, bah non, ça reste un truc sur rail, un shooter. Après, s'il est un peu plus propre et qu'il y a ce mode horde qui arrive à rajouter, peut-être voir si vaut le coup. C'est quand même une exclusivité, faut voir ce qu'il peut donner. Je vais y retourner. Ok, ça marche. C'est tout pour les news. Je pense que c'est peut-être un record, hein. 1h20 de news. C'est pas mal. Hein. Je pense que tu vas pouvoir aller boire un petit coup de flotte. Putain, ça ferait du bien, ouais. Voilà. Est-ce qu'on passe au test du coup? Et on va passer, on va te laisser respirer un petit peu et on va passer au test sportif de notre El Rocco qui a mis sa plus belle jupette pour aller sur le court de tennis. Ouais, le beau tennis en court bah, qui est à l'instar de VR Skater la simulation, l'unique simulation de tennis qui donc bah, développé. Par Perpetual édité et développé par Perpetual Europe et Decathlon. Decathlon qui a réussi à glisser des marques de raquettes, des marques de chaussettes, des pompes, un petit peu tout ça. C'est Artango, la marque de tennis en fait. Je crois qu'Artango c'est la marque d'équipement de sport qui est intégrée chez Decathlon, et c'est des fabricants de plein de trucs de sport, notamment des équipements de tennis. D'accord, Ok. Je te fais confiance. Hein. Je m'y connais pas des masses. Mais j'ai cherché justement. Bah justement, quand j'ai vu Artango, j'ai fait des recherches et j'ai vu que c'est vraiment une marque de matériel de tennis et de sport, parce qu'ils font des baskets, ils font tout un tas de trucs. Enfin, peut-être pas des baskets, mais ils font des jogging, des machins comme ça. Et c'est vrai que cette marque, elle est disponible dans les magasins de Decathlon. Donc, ça doit être un gros partenariat entre Decathlon, Artango et le développeur. Est-ce que c'est eux qui font des chaussures de tennis qui ne touchent pas le talon des joueurs? Apparemment. Je pense pas. comme on peut le voir justement sur le test de Elroco. Ah bah le c'est sûr que le jeu, bon, après c'est moi qui suis chiant, j'ai vu, tu vois. J'ai vu les lignes, moi. Je me suis rapproché de la dame, forcément. Mais en fait, là où je me suis. Quand je l'ai commencé, en fait, je me suis demandé est-ce que ça va être une simulation pure et dure, c'est-à-dire que là il va vraiment falloir avoir des bonnes bases de tennisman. Pour y jouer, ou est-ce que ça va être un truc un petit peu à la virtual tennis, beaucoup plus arcade, et assisté. Et en fait, au départ, j'ai eu très peur parce que je voyais que c'était très simulation, mais en fait, le jeu fait les deux. C'est bien. Et il adapte un petit peu le style de ce que tu préfères, c'est-à-dire que t'as plusieurs façons de jouer. Donc la simulation, c'est pur et dur. Il va falloir vraiment bien incliner ta raquette en fonction, soit la tenir à deux mains et tout, ce qui est assez déroutant. Il faut savoir qu'on peut pas faire de tour. T'as pas le stick gauche ne sert pas à faire le tour de soi-même. C'est tu bouges physiquement, en fait. D'accord, si tu veux vraiment tourner plus à droite, plus à gauche. Par contre, tu peux te déplacer librement, ça, avec le stick, il n'y a pas de souci. Et c'est assez rapide au niveau des déplacements, en plus, j'ai l'impression. C'est assez rapide. Réactif, hein. C'est assez rapide. Et si tu n'es pas suffisamment rapide dans le mode. En fait, non, c'est pas le mode, c'est dans un mode de déplacement. C'est le fameux TP sur la balle, en fait. D'accord. Ce qu'on disait que c'est un peu à la Firewall, en gros, si tu appuies sur un bouton ou quoi, et que tu te TP directement sur la balle, c'est chiant. En fait, c'est un mode de déplacement. C'est en fonction de ce que tu préfères. Mais tu peux configurer quoi. Tu peux quand même configurer le principal, hein, si tu veux vraiment essayer de faire une stratégie, ou alors te mettre plus en décalage pour taper la balle d'une certaine manière. Tu peux le faire en déplacement libre. Mais là, pour le coup, quand tu es en déplacement libre et en type arcade, tu as un peu d'AR. Tu as de l'AR pendant que si jamais la balle revient vers toi et tout, est renvoyée. Ça t'indique un petit peu dans la direction qu'il faut aller, et puis aussi l'endroit, t'as un petit spot là où le rebond va s'effectuer, donc tu peux quand même, c'est quand même assisté dans la simulation. Et après, en termes de plaisir de jeu, c'est clairement, il faut mettre le mode arcade. Enfin, pour les gens comme moi, en tout cas, faut mettre le mode arcade. Parce que c'est là que ça va pas se prendre la tête si tu la prise un petit peu trop ouverte, trop vers le bas. C'est bien qu'ils y aient pensé. Oui, parce qu'au début j'avais eu très peur, parce que quand j'essayais de faire ne serait-ce qu'un service, mais c'est pas possible, parce qu'à un moment donné ils t'apprennent, t'as différents modes, hein, t'as un mode un peu solo contre une IA ou en multijoueur, t'as un mode aussi multijoueur, pareil. C'est du 1 contre 1 par contre. Je pensais qu'il pouvait y avoir du 2 contre 2. Bon, ou alors ce sera développé plus tard, je ne sais pas. Oui. Le 2 contre 2 était annoncé pourtant. Il me semblait. Je l'ai lu ça, mais. Je l'ai lu dans une annonce, mais c'est bizarre. Ouais. Mais il y a aussi plusieurs. Alors, il y a deux modes de. Deux tutos, en fait. T'as vraiment un tuto qui va t'apprendre chaque étape, vraiment effectuer des coups droits, des revers. Comme VR Skater, quoi, étape par étape. Étape par étape. Et t'en as un petit peu plus. Comme VR Skater, où il va falloir que tu. Enchaîne certains coups droits à des endroits précis sur le terrain et tout. Donc ça peut être tout le terrain, comme ça peut être le premier quart du terrain adverse et tout. Et ça va varier. C'est la machine qui te renvoie les balles au fur et à mesure. Et puis tu choisis le nombre de balles qui sont renvoyées et tout. Donc c'est assez libre dans son contenu spécialement tennis. Par contre, au niveau de la réale, Waouh. Là, c'est assez hard. Le c'est, public. C'est rustique. Ah, le... ah, mais le public. Le public en carton, au troisième rang. Ah oui, mais il y a un mode, il y a même un mode spectateur, parce que tu peux aussi choisir d'être dans le public. Hmm? Tu rejoins une partie. Bon, c'était pas dispo parce que vu que le jeu n'était pas encore sorti, voilà. Mais en gros, je me suis dit, mais si le mode spectateur, c'est genre t'es dans le public, bon, tu choisis où est-ce que tu veux être, ok. Mais oh la vache, quand t'as les replays ou oui, que tu commences, que tu vois les deux joueurs arriver et tout sur le terrain, bah tu regardes autour. Alors, c'est une animation mise en boucle hein, mm-hmm. sur des personnages en 3D qui sont limite bah, hypnotisés. C'est tennis. Et quand tu regardes tout autour de toi, mais waouh, c'est un seul modèle ou deux modèles. Et en fait, ils en ont fait bah, un blanc, un métis, un noir, et puis avec différentes couleurs de cheveux et tout. Et puis en plat, et qui ont l'air de flotter. Ou, tu sais, ils font des petites vagues, des personnages en carton. Ils font des petites vagues. Sur tout autour, alors, tout ce qui est au-delà d'un mètre, et bah, c'est ça. Quoi. Enfin, c'est voilà, il fallait pas attendre le jeu à ce niveau-là, alors que quand même, enfin voilà, d'un point de vue, enfin tu regardes Synapse et d'autres jeux qui sont dans des environnements fermés, ce qu'il fallait afficher, c'était pas. Mais surtout que le fait que tu sois assis, ils auraient pu garder ces personnages en carton pour quand t'es sur le terrain, parce que t'as pas besoin, tu les vois de loin. Ah non, et puis tu fais pas attention. C'est le principe des cotons-tiges. C'est le principe des cotons-tiges dans le public de Star Wars quand ils font la course de pod là. Où c'est des cotons-tiges en fait, parce que ça passe tellement vite que tu vois pas. Par contre, c'est vrai que là, vu que tu es dans le public et que tu es fixe, ils auraient très bien pu remodéliser une partie à 360 juste pour cette scène-là. Ah, mais c'est... ils l'ont pas fait, c'est dommage. Non, et puis vu qu'il y a carrément un mode où bah, tu es dans le public H24 et tout, bah, c'est hard quoi. Après, je sais pas s'il y a possibilité de, à plusieurs gens, enfin personnes, d'être dans le même public, tu vois. Ah, que, du coup, c'est à plusieurs endroits différents. Alors je pense pas. Hein. Vu comment c'est présenté et tout, bah un peu comme l'application de cinéma en VR, tu vois. Ouais. Alors, limite que tu peux, coucou, ouais, c'est cool, machin, et communiquer, ça aurait été sympa. Mais bon, peut-être plus tard, c'est pas grave. Mais voilà, la phase dans le public, c'est assez chaud. Après, c'est pareil, il y a des bugs de fou furieux, genre la moumoute sur la casquette. En fait, oui, la modélisation des personnages. Les cheveux par-dessus la casquette. La casquette est sous les cheveux. Ah ouais, non mais. Ou les paupières qui disparaissent. C'est impressionnant. Les trucs, ah ouais, hein, ça m'a rappelé la scène de Orange Mécanique. Donc c'est peut-être un bon jeu pour Halloween hein, finalement. Tu vois, il y a moyen d'avoir des sensations. Ah, on l'a trouvé. Voilà. Ah mais flippant. Mais par contre voilà. Ah oui, et puis quand même toujours au niveau de la réal. Ah, le jeu est aliasé. Hein. Il est franchement, c'est la résolution, c'est chaud quoi. C'est tout ce que t'as, pareil, à 1 mètre, ça va encore, mais le filet, bah, c'est direct. La personne qui enfin ton adversaire, c'est aliasé, tout est aliasé quoi. En termes d'animation de bah, des gens, tu vois pas les ramasseurs de balles ou les trucs comme ça, ils se prennent pas la tête avec ça. Vraiment pas. Des petits détails qui font que ça peut apporter beaucoup. Ouais. On sent que le jeu, dans sa globalité, est quand même assez rustique. Il a vraiment mis en avant son gameplay réaliste. En tout cas, vraiment simulation, si vraiment t'enlèves toutes les aides. Je pense que c'est vraiment focalisé là-dessus. Un petit peu sur la customisation de ton perso, même si ça ne sert pas à grand-chose, vu que bah, tu le vois souvent quand même. Tu peux changer de raquette qui augmente la puissance. Hein, tu peux changer de raquette, voilà. Est-ce que changer de match un peu, voilà. Mais pas sur les décors. Est-ce qu'ils sont allés jusqu'à la motion capture pour ton adversaire? Franchement, s'ils disent oui, il faut revoir certaines choses, hein, parce que c'est le cas sur Racket Fury. Les mouvements sont faits par des acteurs. D'accord. Bah là, peut-être certains. Mais clairement pas tous, hein. Surtout quand ils se déplacent ou que pas t'as le public, les pas le public en tout cas, c'est sûr. Pas le public, mais l'adversaire non plus. Enfin, c'est sur l'enchaînement en fait des mouvements. Il y a des trucs, c'est pas du tout naturel. En non, fait. C'est pas, c'est très robotique. Hein. C'est très robotique. Ouais. Hein. Alors, c'est peut-être pas fluide. Certains, les coups droits, les revers, peut-être à ce moment-là, ouais, il y a pas de souci. Mais sinon, tout le reste, et c'est encore plus flagrant quand t'es dans le public parce que tu regardes que ça, tu vois. Parce que t'as des petits replays à certains moments. quand il y a une belle action. J'en ai pas mis beaucoup parce que bon, j'ai pas eu beaucoup de replay. Mais voilà quoi, les défauts ils sont encore plus flagrants quand t'es dans le public et pendant ces moments de replay. Et puis bah, voilà, il n'y a pas énormément de choses à. Ah si, il est à 40€ quand même. Voilà. Bon. Enfin, en physique, j'ai pas revérifié le prix en numérique, mais je crois qu'on est aux alentours des 35. Hein. C'est 35-40. Je vais te dire de suite. Donc, tendu. Hein. Ah, faut aimer le tennis, quoi. C'est toujours moins cher qu'une place à Roland-Garros, donc. Pourquoi pas? Ah oui, c'est pas la même ambiance non plus, hein, mais oui, oui, c'est sûr que c'est beaucoup moins cher qu'une place à Roland-Garros. Mais voilà, ouais, pour moi, c'est pour une simulation de tennis de cette qualité-là. Enfin, je veux dire, je prends toujours voilà le rapport qualité-prix. On n'y est pas quoi. Mmh. On n'y est pas. C'est très bonne simulation de tennis. Vous aimez le tennis comme pour VR Skater, vous aimez le skate. Honnêtement, vous allez vous régaler. Surtout, bah, si vous, voilà, je sais pas s'il y a du monde parce que j'y suis pas retourné depuis. Mais si vous avez un pote qui adore le tennis, vous jouez que ça soit en arcade ou quoi, il y a moyen. Se tirer la bourre entre potes, ça peut être sympa aussi. Ouais, ce régler genre de un conflit sur un jeu comme ça peut être toujours sympa, quoi. Voilà. Mais voilà, au-delà de ça, ça peut être marrant parce que franchement, c'est vrai que une fois que j'ai lancé le mode arcade, je me suis quand même beaucoup amusé. Au-delà, je sais pas si je vais y retourner. Il y a un autre jeu où j'aimerais beaucoup y retourner. Même voilà, j'attends les repos pour ça. Mais bon, c'est peut-être Laurent qui va en parler vu que. Allez, on va passer au second test. Merci Elroco du coup de nous avoir fait découvrir ta fibre sportive. Et puis maintenant, on va passer dans une autre. À refaire quand vous voulez. Voilà. On va passer dans une autre ambiance. Il y en a deux. Non, justement. Est-ce que tu veux commencer? Il y en a encore trois. Non, il y en avait deux. Il y en a encore trois. Donc, deux. Mais moi, je voulais aussi parler de Angry Bird et de Gazler. Oui, Gazler, ok, mais Angry Bird, on avait dit non. Alors, à moins que c'est échangé. Bah oui. T'as pas reçu le mémo il y a 5 minutes. Tu sais, le briefing, quand on discute avant l'émission, Laurent, tu te souviens? Oui, mais de toute façon, il y a la preview de Angry Bird. Donc, si ça vous intéresse, allez sur la chaîne VR4Player et puis regardez la vidéo d'Angry Bird. Oui, on peut parler de Gazlers. Et bon, on commence par celui-là. Tout à l'heure, on parlait d'une série de jeux qui, moi perso, vous d'ailleurs aussi, on n'était pas super hypé parce que ça avait l'air d'être des belles bouses. Gazlers, par contre, je m'attendais pas à un truc comme ça. C'est un shooter sur rail. Donc tout à l'heure on parlait de switchback, c'est pareil quoi. Vous êtes en train de reculer derrière une voiture et il y a plein d'ennemis qui vous arrivent dessus. Il faut dégommer tout ce qui bouge. Par contre, le jeu en lui-même, il est vraiment super net. J'ai été déjà surpris par ça. Niveau réalisation, tout ça, il est pas si naze que ça. Franchement, il est très coloré, il est plutôt sympa. Très cartoon. Et par contre, là, c'est très cartoon, mais cohérent dans son ensemble. Et puis surtout, alors c'est un roguelite shooter sur rail. Donc ce qui veut dire que dès le premier niveau vous allez vous en prendre plein la gueule, vous allez pisser du sang partout, par tous les trous possibles. La première partie tu te dis putain mais je vais jamais arriver à passer le premier niveau quoi. Et puis tu t'aperçois après que c'est du roguelite, hein, donc il faut y retourner petit à petit. Et ben, tu gagnes des pièces, avec tes pièces tu vas pouvoir débloquer des options. Et puis en fait c'est un ensemble de 4 ou 5 niveaux dans 4 gros blocs de niveaux. Et si tu veux arriver jusqu'au bout, et ben, il faut jamais mourir. Et c'est super chaud. Donc ceux qui aiment le challenge, ils vont être. Il n'y a pas de mode facile ou de mode moyen ou de mode difficile. Mmh. C'est pareil pour tout le monde. Je vous invite à l'essayer si vous en avez l'occasion, parce qu'il est plutôt pas mal. Mais par contre, sachez qu'il faut aimer ce type de jeu. Il faut aimer souffrir pour arriver à avancer, parce que là. Quand t'en es au 9e, au 10e et que tu perds et qu'il faut tout recommencer, putain, t'en peux plus quoi. C'est ça. Mais globalement, disons que par exemple sur des jeux en roguelite style The Light Brigade ou des trucs comme ça, ça me dérangeait pas parce que c'était les niveaux étaient procéduraux et du coup en plus c'était de l'infiltration, donc tu prenais ton temps, bon t'avais perdu mais quand tu rattaquais jamais au même endroit. Là quand tu recommences tout à zéro, alors même si les personnages vont pas forcément t'attaquer de la même manière, c'est pas scripté du tout, hein, ils peuvent débouler n'importe où. Mais c'est vrai que t'as toujours l'impression de... c'est le genre de jeu où quelqu'un d'un peu nerveux il va perdre à la dernière minute d'arriver au bout, il va balancer sa manette sur la télé quoi. Ah c'est ça, tellement tu vas avoir la rage d'avoir perdu quoi. Mais niveau réa, franchement je m'attendais à bien pire. Il est même plutôt méga net. Après, il faut l'acheter en connaissance de cause. C'est un jeu qui peut être énervant et qui est si vous arrivez au bout, vous allez être assez content de vous. C'est pas un jeu détente. Voilà, c'est un jeu où faut encore y aller, encore et encore. Crash du sang. C'est ça. C'est un jeu à mon avis, n'importe qui pourrait y accéder avec du temps et du temps et du temps et du temps. C'est-à-dire le recommencer et puis collectionner un maximum de pièces pour débloquer toutes les armes, pour débloquer tous les trucs, pour pouvoir passer plus facilement. Donc c'est sûr que quand t'as tout débloqué, à mon avis, le jeu doit se faire beaucoup plus facilement. Mais c'est vrai qu'au début, faut aimer saigner quoi. Ok. Bon, en tout cas, il y a le test qui va pas tarder à arriver. Je pense qu'il arrivera peut-être même avant le podcast. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça sur la chaîne de Verfor Player. Et enfin, avant le podcast, pas sûr, mais la semaine prochaine, oui. Courant de semaine prochaine. Tu lui mets la pression là. Un petit coup. Il faut Laurent, c'est comme ça qu'il marche. J'aurais pas le temps. Je peux pas. Et ensuite, on va passer à un jeu dont on a déjà parlé précédemment. Enfin. Quelques temps dans l'émission, un jeu français, messieurs, qu'on attendait, en tout cas on attendait surtout de ne pas être déçu par rapport à la version PC sur PSVR 2, et on l'est pas du coup. Et on l'est pas. Même si le jeu sur PC voilà, avec quelques petits défauts, notamment sa durée de vie qui est un petit peu ricrac, et ben voilà, on a enfin pu mettre nos petits doigts sur la version PSVR 2. On va vous dire ce qu'on en pense. Bah, du coup c'est Laurent aussi qui s'en charge. Ah ben, on peut en parler à plusieurs parce qu'on l'a fini tous les trois je crois. donc c'est Propagation Paradise Hotel hein, Propagation Paradise Hotel, un jeu qui débute dans les cuisines d'un grand hôtel luxueux. Et donc bien sûr il y a eu un virus style Resident Evil qui s'est installé apparemment dans l'hôtel et qui transforme tous les convives de l'hôtel en soit en zombies ou alors elles mutent pour devenir carrément des machins complètement moches, vraiment des trucs, et c'est ça, moi c'est ça qui m'a plu. Alors, c'est qu'on se limite pas qu'à du zombie. Alors juste un petit truc avant de plus en parler, j'annonce que le jeu a à peu près une durée de vie de 3 heures, un petit peu plus si tu cherches. Moi je l'ai fini en 3 heures sur PC. Sauf si tu cherches les petits poulpes, je crois qu'il y en a 30, c'est ça, ou 40. Ouais, j'arrive pas. Ouais. J'en ai 30. J'arrive pas. Il m'en manque un. Voilà. Donc, en gros, c'est des petits collectibles qui sont là pour augmenter un petit peu, on va dire artificiellement, la durée de vie du jeu. Mais voilà, c'est une action qui est quand même très très très condensée. Faut qu'on fasse attention dans cette émission de pas spoiler, parce que je pense qu'on va parler de certains passages qui nous ont marqué, je pense. Vu qu'on y a joué tous les trois, faut faire attention de pas spoiler, et je te dis ça à toi particulièrement Laurent. Voilà, t'es prévenu. Il y a des choses, je pense, dans le dernier tiers, il faut peut-être pas trop en parler. D'accord. Voilà, tu peux continuer. Bon. Vous me coupez si. Et c'est toujours trop tard quand si on te coupe. Tu mets des petits sons comme ça, tu mets des petits trucs comme ça, oh, non? C'est mignon. Tu mets une alerte, voilà, tu t'appuies là-dessus, tu mets une alerte dès que... Je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Si, je vous explique, il y a un bouton pour ça sur Discord, mais bon, bref. Bien, on verra. tu peux le faire à Majo, ce truc-là? Tu sais, quand il t'emmerde. Quand tu dis une sale blague, et voilà. T'as pas un son de ro? Non. Non, t'as pas ça. Un canard, si tu veux. Putain. Bien. Est-ce qu'on peut continuer l'émission? Bon, bref. On s'amuse bien. Oh là, c'est roulé. Et vous m'avez niqué mon avis, le montage sonore là. Ah non, on arrête, trop vite. Bon, bref, Propagation Paradise Hotel. On est un peu parti en live. Donc, un jeu qui, moi, ce qui me faisait peur avec ce jeu au démarrage, c'est que j'avais peur de me retrouver dans la même situation que comment il s'appelait celui de Fast Travel. Non, c'est Fast Travel. C'était celui. Ah, j'ai bouffé le nom. Ça me fait délirer à chaque fois qu'on fait référence. Oblivion, un vieux jeu. On est Oblivion. Infoutu de se souvenir des noms. Where's the Oblivion, voilà, c'est celui-là. En plus, il l'a testé. Oblivion. Oui, en plus, c'est moi qui l'ai testé. Et tu vois, comme je l'ai déjà oublié. Et pas du tout, en fait. Le jeu, globalement, est plutôt pas mal, plutôt beau. Oui. Les ambiances sont super bien. Ce qu'il y a de bien dans le jeu, moi, ce qui me fait toujours peur dans un jeu VR, c'est quand le mauvais éclairage est utilisé pour cacher la misère. Et là, tu sens que même si tu es éclairé, c'est pas dégueulasse dessous. Donc c'est le premier truc que je regarde et c'est bien dégueulasse et ça c'est bien. Mais vraiment bien dégueulasse. Il y a des passages que j'adore parce que c'est vraiment il y a des passages où des types ont été cramés, tu passes devant et t'as limite l'odeur, il manque l'odeur en fait. C'est ce que je disais dans la preview PC. T'as des passages très bien, c'est au début ça. Il te manque que l'odeur. Ou quand tu trouves des cadavres sur des chaises de zombies et que tu vois, tu te rapproches un petit peu des yeux vitreux, tu vois le film justement de. Ah oui, ouais, le détail. Tout est dans le détail, quoi. Moi, ce qui me fait vraiment, le détail qui me titille, c'est que en fait, à chaque fois que tu avances, tu entres dans une pièce, tu peux limite dire qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cette pièce-là, parce que t'as des détails, t'as un niveau de détail. Oui. Il y a des moments, tu sais qu'il y a eu des survivants, des mecs qui se sont barricadés quelque part et que ça a mal tourné et tout. Et tu peux même limite dire, bah voilà, elle s'est défendue comme ça, elle a survécu comme ça, il commençait à lui manquer de l'eau, elle a tenté de machin et puis elle a dû se faire attaquer à cet endroit-là. Elle s'est fait mordre ici et elle s'est réfugiée ailleurs et elle s'est transformée. Il y a des traces de doigts, mais vraiment, ouais, c'est certains qui se sont réfugiés aux chiottes, enfermés dans les chiottes, et puis bah au final, bah voilà, ils se sont fait bouffer et ils se font, ils se sont transformés. C'est vraiment les mini scénarios comme ça que tu peux un petit peu te faire dans ta tête en découvrant chaque pièce, quoi, au fur et à mesure. Et c'est ça. Et tu trouves même leurs restes dans les toilettes. Eh oui. Tu peux même voir ce qu'ils ont mangé la veille avant de mourir. D'ailleurs, si tu regardes bien. Voilà. Et malheureusement, tu peux pas mettre la main dedans. Non, tu mais vois, malheureusement, pour... c'est pas une connerie. Hein. Tu peux vraiment, quoi, quasiment. Vu le niveau de détail. Donc le pitch du jeu. Alors déjà, il faut savoir que le jeu est présenté comme un jeu épisodique. Donc ne soyez pas surpris si vous trouvez la fin un peu brutale. À la base, il est pensé en plusieurs épisodes. J'espère que, à mon avis, il aura, parce que sur le PlayStation Store, il fait partie des meilleures ventes. Cette semaine, il est dans les 4 jeux les mieux vendus du store. Avec Gran Turismo, avec des grosses pointures à côté, quoi, donc je pense qu'il va bien marcher. Le pitch, c'est que donc vous allez incarner une femme qui s'appelle Emily Diaz, et donc vous êtes enfermée dans les cuisines de cet hôtel, et vous, grâce à une radio et l'agent de sécurité, vous allez contacter et vous allez vous apercevoir que votre sœur est toujours en vie, et votre sœur travaillait dans cet hôtel. Là, vous allez pouvoir lui parler, et vous apprenez aussi qu'il y a un hélicoptère qui doit vous récupérer sur le toit de l'immeuble pour vous emmener, pour vous sortir de cette mouise pas possible. Donc tout le jeu va vous allez quitter vos cuisines dans lesquelles vous vous êtes barricadé, et vous allez devoir regagner le dernier étage pour pouvoir fuir et si possible retrouver votre sœur et fuir avec votre sœur. L'ambiance du jeu est vraiment aux petits oignons. Ça, c'est un truc que tu rentres, des petits sons partout à la con, rat qui va passer, le petit truc qui va. C'est vivant, t'as toujours le truc qui va grincer au bon moment. La mise en scène pour te faire flipper un max, les mecs ils maîtrisent leur truc. Beaucoup de choses que tu entends, mais que tu ne vois pas de l'autre côté des murs, ou de l'autre côté des portes, ou dans les canalisations, etc. Mais ça marche. Ces putains de portes qui se referment toutes seules des fois, tout le temps. Ou qui ne veulent pas se refermer parce qu'il y a une saloperie qui arrive derrière. Ça arrive aussi. Il y a ça aussi. Mais bon, là-dessus, ben, franchement, si vous aimez, pour Halloween, c'est le truc à avoir. Quoi. Ah, c'est un jeu, c'est un jeu qui est vraiment bien. Et des pics de stress aussi hein, que tu peux avoir de temps en temps. Ah oui. Sans rentrer trop dans les détails. Ah oui. Il y a un passage dans des couloirs où, ouais. où voilà, tu vois la lumière. Tu vis dans un couloir. Tu vois la lumière, tu vois que des choses. Les conduits. Voilà. Les conduits d'aération. Putain. Voilà. Il n'y a pas des masses de jeux justement qui ont réussi leur passage dans les conduits ou dans les sous-sols comme ce jeu-là, je trouve. Hein. Il n'y a pas des masses. Hein. Disons que ce jeu-là, il est construit quasiment. D'habitude, tu arrives dans un truc comme ça, tu as des hordes de zombies, mettons dans Saints and Sinners, tu vas avoir des hordes de zombies qui vont arriver. Tu les vois arriver, tu sors ton arme et tu les butes. Là, le souci, c'est que tous les zombies sont à terre, ils sont dans un état léthargique et ils peuvent se réveiller à n'importe quel moment. Et c'est ça qui est très bon dans Propagation, ouais. C'est que des corps, t'en as, ils jonchent le sol de partout où tu vas te balader, mais tu vas passer devant quatre corps, il va rien se passer, et puis tu vas revenir, et un de ces corps qui n'avait pas bougé tout à l'heure va se mettre à se réveiller, il va t'attraper. Et du coup, bah, ça fonctionne trop bien. Parce et ils se relèvent, même après les avoir fumés. Ouais. En plus. Donc double stress. En plus, oui, ils meurent pas vraiment. Il y a un temps. Et puis c'est marrant parce que même quand tu leur vides un chargeur dans la tête, ils se relèvent quand même. C'est ça. Donc tu dis putain. Donc du coup, en plus, t'as toujours ce stress. Il faut pas que je mette trop longtemps parce que l'autre derrière qui m'a gavé, il va se réveiller et il faut gérer. Et puis gérer la lanterne. Gérer les munitions aussi. Les munitions. Bon après, je trouve qu'ils sont quand même. Alors j'ai pas fait le mode cauchemar encore. Là, je suis sur difficile. Donc cauchemar, c'est on peut pas, il y a pas la sauvegarde automatique et il y a moins de munitions, moins de trousses de soins. Voilà. Alors après, j'ai l'impression aussi que ils se sont servis aussi de ça pour rajouter du stress parce qu'il y a un passage dans le jeu, notamment celui qu'on parlait tout à l'heure où on est poursuivi, où j'ai l'impression qu'ils font tout pour qu'on vide tous nos chargeurs avant ce passage-là. Ouais, j'ai l'impression ouais. que c'est voulu. Oui. Parce que quand tu arrives là, t'as jamais de balles en fait. Je l'ai fait deux fois et quand tu arrives là, t'as pas de balles. Donc ils ont bien calculé le truc pour que tu aies plus de balles derrière. Et alors là, quand tu as un flingue vide et que tu te balades dans un truc glauque comme ça, mais alors je te dis pas comme alors tu peux te défendre, tu peux repousser le zombie, mais par contre voilà le zombie quand il vous saute au cou là, c'est t'es pas serein. T'es franchement pas serein parce que l'animation, mais c'est vraiment une. C'est, ah, puis c'est ils sont dingue. Vraiment dégueux. Hein. Ils sont vraiment dégueux. Ils sont vraiment crades. Ouais. Mais ils sont grands. Il y en a un. Mais ils sont très grands. Ils sont bien ils foutus. Sont très ils sont très ils grands. Très grands parce qu'ils font, font la taille d'une porte. Dans l'encadreur d'une porte. Mmh. Voilà. Donc ils font 2 mètres. Ils font tous 2 mètres. Même les femmes de ménage, elles font 2 mètres. Même le gamin, il y a un gamin à un moment, il fait 1m80. 2 mètres. Oh puis quel passage, oh là là là, ouais, quel passage. Ah ben justement par l'exemple qu'on donnait, le fait que tout le monde soit léthargique un petit peu, c'est un petit peu les zombies de Last of Us dans la série qui quand ils ont rien à faire ils deviennent un peu mous. Et du coup c'est vrai que c'est intéressant parce qu'ils jouent avec ça dans les conduits d'aération et des fois tu vas le conduit d'aération, il est pas large, et tu te retrouves face à un corps, et tu te dis, je suis obligé de lui passer dessus pour passer le. Et est-ce qu'il va se réveiller? Parce que tu sais qu'il peut se réveiller. Et là, t'es là toujours en train de te dire, putain, il va se réveiller. Putain, tu avances doucement. Et je faisais un truc. T'essayes de lui toucher les cheveux. Et je faisais un truc sur ma partie en fait, qui sert absolument à rien. Mais dès que je voyais un zombie par terre, je lui tirais une balle dans la tête. Ah. Par sécurité. Je me suis dit comme J'sais ça, si, tu vas pas te relever. Ça sert à rien. Non, ça sert absolument ça sert absolument rien. C'est-à-dire que tu peux moi, passer 5-6 fois devant. Jeter un vase à la gueule. Il y a même un moment, t'as des fléchettes. T'es. Oui. Tu peux. Mais ça sert à rien. Non, tu, ça sert non plus. C'est pareil. Tu fais tung dans l'œil. Ah bon, bah ils bougent pas. Non, mais ils se lèveront quand ils voudront se lever. Basta. C'est exactement. C'est t'inquiète pas, mon coco. Quand tu vas repasser, que tu auras bien baissé ta garde, parce que tu te diras, ah non non, je me lèverai pas. T'inquiète. ça va bien se passer. Et je te chatouille les chevilles. Et c'est comme ça tout du long du jeu, c'est maîtrisé, mais à chaque moment du jeu, et même dans toutes les chambres, parce qu'on n'est pas obligé hein, de visiter. De faire toutes les pièces. Tu n'es pas obligé de faire toutes les pièces, mais c'est quand même vachement conseillé si tu veux récupérer des consommables. Donc il y a la lampe torche qui nécessite des piles en consommables. Tu as le spray, tu as une espèce de spray aussi que tu te mets sur la tronche que tu dois recharger aussi. Qui se vide très vite. Qui se vide très très vite. Et t'as les, effectivement, forcément, les munitions aussi. Donc, c'est quand même très conseillé d'ouvrir tous les placards, de tout vérifier. Et puis, pour, et puis pour ce serait quand même dommage parce qu'il y a des, il y a des petites choses. C'est pas des chambres copier-coller. C'est non. Comme je dis, chaque chambre, il s'est passé un truc différent dedans. Et si on veut vraiment mais profiter, en plus ouais, le jeu il est relativement court, il y a un succès qui demande à ce que l'on le finisse en moins d'une heure, donc il est faisable même, j'ai vu, si tu te débrouilles bien, entre 30 et 45 minutes, tu peux le faire. Il faut vraiment rusher, quoi. Mais il faut rusher, voilà, c'est pour ceux qui veulent avoir le succès, machin, les complétistes. Mais pour ceux qui veulent vraiment, voilà, dénicher tous les petits détails, parce que des petits détails, il y en a partout. Et il faut faire tout. Il faut aller vraiment partout. Tout à l'heure, on disait 3 heures. Si vraiment on prend son temps, on peut y passer 5 heures, mais au-delà, à mon avis, au-delà de 5 heures, il faut vraiment prendre son temps quand même. Ah oui, oui. Ben, si tu veux récupérer tous les petits poulpes, si tu veux vraiment visiter toutes les pièces de toute ta map, parce qu'il y a toujours une pièce qui va être fermée et que tu vas la zapper. À mon avis, tu le boucles en 5 heures. T'as pas trop de pièces comme ça que tu pourrais zapper, de pièces essentielles en tout cas, à zapper dans le jeu. Non, parce que tout est bien mis sur la map. Si tu fais bien le circuit. T'as pas un pan de jeu en tout cas que tu peux passer. T'as pas un pan de jeu où tu peux passer à côté toute une partie d'un bâtiment ou d'un étage. Non, t'es quand même assez bien dirigé, quoi. T'es guidé. Ouais. Après, ben, il y a ce côté où au début du jeu, ben, tu vas avoir des zombies. Après, petit à petit, ben, les zombies, ils ont pris feu parce qu'il y a eu un incendie, donc tu as des mecs cramés. Et petit à petit, les zombies, c'est là où on en vient un peu au côté Resident Evil. On s'aperçoit que le fameux virus a tendance à faire muter le code génétique de ses hôtes pour devenir des bestioles, mais des trucs de malades. Non seulement elles sont moches, mais en plus c'est trop bien que les trucs qui marchent dans les conduits d'aération sur deux pattes et qui ressemblent plus à rien, et tu flippes avec ce putain de lampe où t'as les piles qui sont toujours en train de manquer. Et puis le pire, c'est que la pile, quand elle commence à être fatiguée, elle commence à moins éclairer, après elle clignote. C'est là que t'es dans un conduit, que t'as plus de piles parce que t'as pas suffisamment recherché dans les pièces. Et là, tu te retrouves dans le noir avec ces trucs-là, mais tu deviens cinglé, quoi. C'est un truc qui est vachement bien foutu, et franchement, j'ai adoré. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au niveau du gameplay, justement, comme on doit quand même gérer 3 types de ressources différentes, le jeu, il va pas te punir parce que t'arrives pas à mettre ta pile comme il faut dans ta lampe torche. En fait, tu vas la récupérer dans ton sac banane très facilement, sans avoir accès à un menu, parce qu'il y a aussi un système de menu pour avoir accès à la carte et à tout ton inventaire. Mais en fait, t'as juste à mettre ta main, avoir ta lampe torche en fait dans ta main, aller vers ton sac banane, récupérer la pile automatiquement, et ensuite t'as le truc dans ta main, la ressource, c'est le voilà, tu mets ta main dans le sac banane, tu perds pas ton temps. En fait, c'est vraiment un subtil équilibre entre t'as ton flingue qui est, tu tombes à sec, t'as pas besoin de chercher dans ta poche gauche, dans ta poche droite, derrière ton dos ou n'importe quoi pour avoir les munitions. Tu chopes dans ton sac banane et tu recharges. Après, tu peux quand même être en panique parce que c'est quand même un rechargement manuel. Donc voilà, c'est vider le chargeur, remettre. Il y a un petit équilibre qui peut te foutre le stress, mais qui va jamais te frustrer en fait. Mais ça aussi, t'en as 4 qui t'arrivent dessus, et là tu éjectes ton chargeur, tu trouves pas le chargeur parce que t'es en panique. Tu attrapes le chargeur, tu le fais tomber par terre, tu dis merde, mon chargeur. Ah oui, ça peut partir là-bas. Très vite, ouais. Ça panique. Et là tu te fais bouffer, et tu mets des coups de crosse pour écarter, dans la tête des types, pour les écarter, pour aller chercher le chargeur que t'as foutu par terre. Il y a des petites scénettes comme ça qui sont excellentes. Et ça aussi, c'est très bien dosé, quoi. Tu sens que les types ils ont pensé à. Après, il y a aussi des petits défauts. Hein. C'est pas non plus un jeu qui est parfait à 100%. Mais disons que tout ça rattrape tellement les petits défauts que dans les petits défauts, on pourrait dire qu'il y a ce rapport d'échelle qui peut. Une prochaine mise à jour, ce serait bien déjà si on pouvait régler la hauteur de son personnage. Je me suis aperçu que quand on joue debout, on a à peu près une taille normale. On va dire que la fille fait peut-être 1m65 ou 1m70. Et par rapport aux autres personnes, on voit qu'on est plutôt. On arrive à leur épaule ou un peu plus haut que leur épaule même, donc c'est cohérent. Par contre, quand tu joues assis, du coup tu te retrouves tu fais 1m20 au niveau des poignets de porte. C'est ça. Et du coup, tu as beau essayer de t'as juste un bouton pour régler la position assise ou debout, et du coup, dès que tu passes en assis, bah, tu t'aperçois que même qu'il te monte un petit peu, mais même assis, tu as intérêt d'avoir un siège de barre pour faire une taille correcte en position assise. Et ça, c'est le petit truc qui est gênant, parce que tu as l'impression vraiment d'être un enfant, et que les zombies font 2,50 m devant toi, et que même les personnages, et tu peux même aussi avoir des soucis pour attraper une pile qui est en haut d'un placard, okay, ça m'est arrivé, ouais. Où j'ai été obligé de me lever pour aller la chercher. Donc ce qui manquerait, ce serait juste une molette qui permette de régler la hauteur de ton, ouais, personnage, le point de vue de ton personnage. J'entends qu'il y en a dans beaucoup de jeux, donc surtout qu'il y a beaucoup d'options dans le jeu, donc notamment des options de confort. Pour choper un poulpe, j'étais obligé, ouais, de sauter physiquement. Ah oui, vraiment. Ah oui, bah oui. Oui. C'est peut-être celui-là que j'ai pas eu. Ah, mais peut-être. Peut-être. Je te donne un indice ou pas? Non. Bah, plus tard. Plus tard. Sur le Discord. J'en ai 29, okay. Poulpe, il m'en manque un. Ah bah. Bon, bref. Après les petits défauts, il y a des petits bugs, notamment dans l'appartement du directeur. Où il a son fils. Pas trop de spoil, pas trop de spoil. Attention, les spoils. Ah, j'ai rien dit là. Non, j'ai juste attention le spoil. Attention. Et donc là, attention. Le zombie. Ça va être le zombie. Lourd, ce truc. le zombie, quand vous lui refermez la porte dessus, vous le coupez en deux et le mec il se met à bouger dans tous les sens. Ah, tu sens qu'il y a. Comme dans certains jeux d'horreur, ça fait un peu comme dans ça, quand il pique une crise et qu'il s'affole et qu'il bouge dans tous les sens. Là. Et ben, il fait ça. Et alors, c'est rigolo parce que, en plus, vous pouvez voir qu'il est là à travers la porte parce que donc c'est une porte que vous ouvrez et le zombie est derrière, bien sûr. Et là, quand vous regardez cette porte, vous voyez que le type derrière il bouge et des fois il passe son pied à travers la porte. Ça arrive dans beaucoup de jeux. Donc, bon. Ouais. Donc voilà, ça c'est le petit souci que j'ai rencontré. Après, franchement, j'étais tellement dans le truc que j'ai pas vu le Murat. Oh ouais. Il y en a certainement, mais je le vois plus. Sur ce genre de jeu, j'ai pas le temps de le voir. Non, fait. Franchement, il saute pas du tout à la gueule. Murat, repro ou quoi Non. Moi, j'ai... Ah, ça aussi, je me suis amusé à bouger à fond la caisse dans tout. J'ai pas trop vu de saccade. Enfin, j'ai essayé pas, le début, super fluide. Ça pète pas quoi. J'ai essayé le début, vraiment pour comparer avec la version PC. La version PSVR 2 a rien de moins et a rien à envier de la version PC, hein, mais vraiment. Bah tant mieux. Hein. Le jeu est vraiment. Oui. Au contraire, même, enfin, je veux dire, moi j'ai que le Rift S, mais enfin, avoir les DualSense pour ce jeu-là, c'est un petit plaisir supplémentaire aussi, hein, mine de rien. Clairement. Ah mais justement dans le tout ce qui est les petites features du PSVR 2, je trouve qu'ils ont été très light. Tu sais, t'as pas de gâchette adaptative pour le Beretta, les petites choses comme ça. Les petites vibrations qui manquent par-ci par-là, tu vois. J'ai même pas fait attention si le casque vibrait par moment. Eh ben, je ne crois pas. Quand il y a un molosse au-dessus de toi, est-ce que ça. Je dis ça parce qu'il y a des moments, ça me faisait penser à The Last of Us, moi, par moment, les ambiances, mais bon. Ah, t'as énormément d'inspiration, hein, même sur. Certains ennemis, créatures là, du bestiaire, là. C'est inspiré de films et d'autres jeux aussi qui sont allés dans cette direction-là. Il y a du Cronenberg, hein, clairement. Sans spoiler, sur une bestiole en particulier, c'est du Cronenberg. Hein. Clairement. Oui. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Déjà, le truc qui est sympa aussi, ou déjà qui pose le truc, c'est. Alors, c'est dommage parce que le jeu est super sombre, on a été obligé de l'éclaircir sur notre preview. Parce que forcément, si tu fais un live là-dessus, tu vas rien voir, quoi. Mais quand on arrive dès le début du jeu, hein, donc dans le menu du jeu, on n'a même pas commencé le jeu, vous levez la tête et vous regardez les détails, vous êtes dans le hall d'entrée de l'hôtel et il y a toute un sol vitré au-dessus de vous. Et dehors, il y a bien sûr les éclairs parce qu'il faut qu'il y ait des orages, il y a la pluie qui tombe et il y a les petites gouttes qui tombent sur le. Et déjà là, tu te dis, ah, ils ont quand même cherché à. Tu vois que c'est pas un truc qui est fait avec les pieds. Quoi. Et tu vois des zombies. Ils ont cherché dans le détail. Tu vois des zombies dans le fond aussi qui vivent leur vie. Oui. Oui. Ah. Et puis ça grogne aussi. Où ça, ça grogne autour de toi. Donc, j'ai pas fait gaffe. Alors moi j'avais fait gaffe. Oui, il y a des ombres sur la version PC et tu voyais des zombies tout au fond du couloir derrière le comptoir. Tu as le comptoir et au fond de toi t'as les zombies qui tu les vois passer. Il y en a même deux et ils se rentrent dedans. Ouais. Et après c'est une partie où tu retournes dans le jeu, c'est dans le hall d'entrée en fait du jeu et tu vois justement ce que sont devenus ces zombies là. Ok, j'avais pas fait gaffe. T'as fait gaffe. En fait, le menu d'intro, enfin le menu du jeu, en fait, ça se passe avant, avant le jeu. Quand tu passes, quand tu passes dedans. Okay, c'est du genre de petits détails comme ça qui, sympa. Après, alors le jeu se finit assez vite. Sans spoiler, la fin est un peu brutale, comme je vous disais. Trop c'est plutôt épisodique. Trop brutal. Ouais. Tu t'y attends pas. Tu te dis, ça va être super, t'as un objectif clair en plus qui t'est expliqué. T'es tendu tout le long et tu te dis, merde. En fait, t'as un objectif clair, c'est vraiment le syndrome Rombasson de journée. T'as un objectif clair que tu vas te dire, oui. Putain, l'aventure va commencer, ça y est, là on y est, génique. Franchement, c'est un peu frustrant. Ça, c'est dommage. Bon. Et le jeu a aussi une petite physique. C'est ça que j'ai été étonné à un moment donné. Bon, ça ne sert pas à grand chose, mais tu as souvent des produits d'entretien, des petites bouteilles, des trucs comme ça. Tu peux passer ta main dessus, mais à un moment donné, tu as une étagère et tout. Tu peux mettre une gifle, il y a tout qui valse. Par contre, sur les objets. Sur les objets. Alors, le pchit dont tu parles, c'est le pchit le plus réaliste en VR que j'ai vu. C'est-à-dire que tu peux passer sur toutes les surfaces, ça va humidifier toutes les surfaces. Je me suis amusé, la cuisine, je l'ai complètement décapé. Le mec, il débranche pas de la maison. Lequel le pchit? Au tout début, sur la cuisine. En fait, tu mets sur toutes les surfaces métalliques, par exemple sur l'inox, et t'as le reflet. Je me suis pas amusé à pchipchiter, moi. Directement dans la cuisine, au début. Il y en a certains qui traînent, je pense, mais... Et tu pchipchites le carrelage, tu pchipchites le carton, tu pchipchites les feuilles. Mais c'est génial ce jeu, on peut nettoyer. Et tu nettoies. Ah bah t'as du taf, hein. De toute façon, l'hôtel, il est dégueulasse. En plus. Si t'attaques les chiottes, là, t'as du taf, hein. Ouais, je pense que quelqu'un doit faire quelque chose, bah voilà. Tu peux le faire avec ton pchipchit. Non mais des petites conneries, bon, c'est pas à pousser à l'extrême, mais tu vois, tu peux te sécher les mains, en fait. Ouais, t'as un moment, tu les sèches-mains fonctionnent. Sèches-mains fonctionnent. Genre. Et inversement, t'as des statues sur des tables, des statuettes en bois ou des trucs de décoratifs, tu peux pas les attraper. Et tu peux pas mettre de savon. Tu peux pas utiliser le savon. Donc tu peux te sécher les mains, mais t'auras toujours les mains dégueulasses, en fait. C'est dommage. Mais le niveau arme. Mais tu peux pas l'utiliser les statues. Oui, pardon, vas-y. Oui, les petites statuettes, les petits lions en bois que tu as partout, tu ne peux pas les attraper pour les regarder de plus près. Ils étaient bien modélisés, je voulais en choper un pour le voir de plus près. Ni t'en servir comme un. Et l'autre truc qui m'a un peu déçu, c'est que justement, tout à l'heure, je vous parlais des passages où on n'avait plus de munitions, qui, à mon avis, c'est des passages volontaires des développeurs de tout faire pour que tu aies plus de munitions. De choper une statuette et de fracasser un crâne avec, ça m'aurait bien rendu service. Mais après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait. J'étais en train de dire autre chose, je ne me rappelle plus. Les types d'armes? Je sais plus, j'ai perdu. Les types d'armes, oui. Donc Beretta, il y a aussi un fusil à pompe. Un pompon, ouais. Tu tombes là-dedans. Court mais intense. On peut même bien dégueu à souhait. On peut même piéger. J'ai trouvé une petite méthode pour piéger le zombie, tu vois. Parce que il faut savoir que pour te mettre un petit pic de stress, si tu es dans une pièce en sécurité entre guillemets, mais que derrière la porte dans le couloir il y a un zombie, si on court, le zombie l'entend et il va péter la porte et rentrer et te défoncer. Mais le truc, on peut se mettre sur le côté de la porte, plaqué contre le mur, tu vois. Donc le zombie va défoncer la porte, passer la porte et tout machin, chercher direct d'où vient le bruit et tout. Et toi, t'arrives et tout. Voilà, au revoir. Tu refermes la porte. Et ciao. Tac. Et tu te rebarres. Tu dépenses pas de munitions. Il y a des petites stratégies, tu vois, que tu peux mettre en place. Tu peux jouer un peu fufu, d'accord. Tu peux jouer un petit peu fufu. Oui, t'es pas obligé d'en faire du rentre-dedans, c'est vrai. Tu peux la jouer complètement furtif et gaspiller le moins de balles possible. Il y a moyen. Il y en a certains qui reviennent au point de départ, mais t'as certains zombies et tout que tu peux justement piéger dans une pièce et voilà quoi. Après, il y a un petit défaut, tu vois, c'est peut-être le jeu. T'as des safe zones. Plus ou moins. C'est-à-dire que tu vas alerter un zombie, notamment. Sans spoil, il y a un passage où tu as d'autres catégories de zombies. Et t'as une zone, un long couloir. Alors, par contre, c'est ça qui est bizarre. Il y a certains zombies qui viennent d'une pièce, peuvent entrer dans la safe zone où il y a la salle de sauvegarde. Mais par contre, t'en as d'autres dans une pièce d'à côté, ben, ils peuvent pas. Donc, tu te fais repérer, tout machin, tu sors, tu refermes la porte derrière eux, ils reprennent leur point de départ. Et même très très vite. Hein. C'est du style, bah, ça, ils doivent dépoper, repoper. Ça TP, ouais. Ça se TP. Et donc, à la rigueur, en petit défaut, parce que vraiment, je pousse un petit faut peu chercher, les limites du, je pousse les limites du jeu, du genre jusqu'à à quel point tu peux être une grosse fouinasse, comme voilà, faire du bruit, attendre que le truc rentre et puis hop, refermer la porte. Par contre, tu vois, j'ai même pas, mais je crois que tu peux pas le faire. Refermer les portes, tu peux les rouvrir avec la clé, mais j'ai pas vu si tu pouvais refermer la porte et puis piéger les zombies. Non, tu vois, des petits trucs comme ça, tu vois, ça aurait rajouté du truc et des stratégies, surtout quand t'as des modes. Des petits modes où t'as des très peu de munitions ou des choses comme ça, quoi. Mais t'as des possibilités. Le jeu te permet quelques possibilités comme ça. C'est pour ça que honnêtement, il y a plus de positifs. Ah oui. Et oui. Que voilà. Ah, carrément. Ouais. C'est les critiques. C'est pareil. J'ai regretté aussi qu'il n'y ait pas, comme dans Last of Us, des moments où il y a énormément, vu qu'on est dans un hôtel, il y a pas mal de passages où tu as des chambres avec des télés qui sont allumées. Avec la télécommande, tu peux pas attraper la télécommande, tu peux pas changer la chaîne. Ah, c'est interactif. Justement, tu peux attraper la télécommande, mais tu changes pas. Tu peux pas changer les chaînes. Et au niveau du scénario, ça aurait été intéressant de voir ce qui se passe à l'extérieur de l'hôtel, via les télés, avec des journalistes qui disent et tu vois des rues avec des zombies de partout. C'est des petits trucs où quand tu es devant, tu y penses, mais c'est pas ce qui va déranger. Mais tu dis, ça aurait été genre la petite scène d'explosion de Last of Us. Là, tu vois une explosion à la télé, et puis tu regardes par la fenêtre, et puis paf, voilà, tu vois la lumière de l'explosion. Un petit truc, ça permettait d'ouvrir, parce que là, tu es vraiment dans un milieu clos, et ça permettait d'ouvrir sur l'extérieur pour te rendre compte qu'en fait, c'est le virus a infesté de partout. Bah, et c'est justement, que tu te casses de là. C'est justement un des points que j'ai bien aimé, justement, le côté un peu claustrophobe. Enfin, c'est vraiment, tu es coupé du monde, tu es coupé de l'extérieur à part avec la radio du confiné. Tu sais pas ce qui se passe à l'extérieur, t'es unique, ton seul problème et ton seul focus, en fait, c'est ce qui se passe dans ces couloirs et ce qui se passe dans les étages de l'hôtel. Ah oui, oui. T'essaies de comprendre, justement, comme disait Leroco, un petit peu ce qui a pu se passer en récupérant des notes, en les lisant, ou en observant, justement, tout ce que raconte le décor. Et ça, tu peux vraiment le faire. Mais ce petit côté claustro, justement, j'ai trouvé qu'au niveau de l'ambiance, ouais, t'es coupé du monde, quoi. Tu sais pas ce qui s'est passé, Tu sais combien de jours t'es resté, parce que au début, pareil, tu vois le nombre de jours sur les murs qui ont été cochés. Et c'est un moment qui sont restés. Mais moi, ça m'a pas gêné, justement, de pas avoir d'informations. Peut-être pour la suite, ça sera bien, justement, pour approfondir un petit peu l'histoire et le lore, avoir ce genre de d'informations là. Mais pour ce jeu-là spécifiquement, l'ouverture, ça m'a pas gêné. Au contraire. Non, non, non, non. Mm. Et je verrai bien un deuxième. J'espère qu'il y aura une suite rapidement. Ah oui, une suite, ce serait mais bien. Mais que l'expérience gratuite dans le métro où voilà, on bougeait pas et qu'on se prenait des vagues. Le premier rentre, propagation. Voilà, que. Propagation, ouais. Subtilement, ça rentre dedans, tu vois. Et eh ben justement, oui, une ouverture, ce serait sympa. Une ouverture, tu te retrouves à sortir de cet hôtel et putain, ce serait top, ça. Alors là, ils auraient tout. C'est un truc de dingue. Ah bah oui, oui. Ouais. Bah oui, en tout cas, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. C'est un jeu qu'on a beaucoup aimé, malgré le fait qu'il soit quand même un petit peu court. On attend beaucoup de la suite. Je pense que les développeurs manquent vraiment pas de talent. Donc c'est Wanadev Studio. Ah non. Les Français. Voilà, donc si vous voulez, si vous nous écoutez, les gars, vous êtes largement le bienvenu dans l'émission pour discuter de vos projets. Oui. Et d'autres façons de voir le développement du jeu. Et puis voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour, hein, à peu près. 19,99. Ouais. Et 20 balles le jeu. Donc c'est vraiment pas du vol. Tu vois, on parlait des jeux où le rapport qualité-prix. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de qualité pour un prix très petit, en fait. Malgré que ça soit court. Mais voilà. Un Resident Evil, quand tu le connaissais par cœur, tu le finissais en une heure, tu vois. Ouais. Donc c'est un petit peu. Ça revient un petit peu dans le même truc. Ouais. Bah, en tout cas, voilà, enfin, court mais intense. Foncé. Court mais intense. Il est directement dans nos coups de cœur. Ouais. Et même quand tu l'as fini, tu vois, ça fait des mois que je l'ai terminé. J'ai encore des scènes qui me reviennent en tête. Je m'en souviens parce qu'elles m'ont vraiment marqué, quoi. C'est rare. ce genre de jeu là. Donc voilà. Très bien. Et bah écoutez, moi messieurs, je pense qu'on a fait le tour à peu près pour cette émission. Je vais vous remercier d'avoir participé encore une fois à cette émission. Donc la 106e. Je voulais aussi remercier les nouveaux tipeurs où j'ai noté leur nom. Peut-être que je vais avoir cité la semaine dernière et que je vais reciter encore cette semaine. Désolé. Hein, peut-être d'autres que je vais oublier, mais bon, c'était pas forcément tout à fait préparé. Donc voilà, on a Calt en plus. On a Louvea. Désolé si j'écorche le nom. Oui. On a Gilles. On a Vert Caviar, on a Brolizy, on a Jis et Jonas, voilà, qui sont venus un petit peu agrandir les rangs des tipeurs. Donc on vous remercie énormément pour ça, pour nous soutenir. Beaucoup. Voilà. Pour nous soutenir également, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube et puis mettre des pouces en l'air sur les vidéos si le contenu vous plaît. Notez sur les applications de podcast le podcast si ça vous plaît. Et puis. Nous soutenir aussi en venant nous rejoindre sur le Discord pour venir échanger avec nous. Il y a une nouvelle charte qui a été mise en place par Laurent justement sur le Discord, histoire de cadrer un petit peu tout ça. Ça fait pas loin d'un an, hein, je crois que le Discord existe, hein, même plus que ça. Ouais, et puis il n'y en avait pas justement, il n'y avait aucune charte. Donc il y a un moment. Ça en avait besoin pour. Des petits cas précis, des débordements. Voilà, des débordements, mais des fois gentils débordements, mais voilà, histoire de que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Et donc voilà, on est de plus en plus nombreux, voilà, à discuter sur le Discord, donc ça nous fait vraiment plaisir. Là-dessus, on vous dit à dans deux semaines, peut-être au détour d'un couloir à la PJW. On verra ça. En tout cas, ça approche. On s'attend pas à grand chose, mais ça ne nous empêchera pas d'en parler, quoi qu'il en soit. Et puis voilà, on vous fait des gros bisous et puis dans deux semaines, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Attends. On finit sans beauté. Tu n'as casse-couille. Attends, j'ai une collègue au boulot qui m'a raconté, attends, ça va lui faire plaisir, une blague super nulle. Quand t'as quelqu'un qui te dit qu'il a chopé le coronavirus, tu lui dis qu'il a chopé le Covid, tu lui dis t'as qu'à finir une bouteille de Pulco, comme ça t'aurais plus le Covid. Oh putain, c'est une sacrée ambiance dans ton tas. Si, tu peux mettre à ma fille. Et là, putain, ils sont bons à ton boulot. Ah, attends, merde. Ah bah ouais, c'était pour ça justement. Ah. Voilà, merci. Voilà, la collègue, tu te reconnaîtras, merde. Je te fais des bisous.